de se voir communiquer cet enregistrement. Merci beaucoup à tous d'être venus pour cette séance. Et surtout, grand merci à Alain Guéraud qui a accepté d'y participer en tant qu'intervenant orateur. Je ne sais pas si je suis bien placé pour ouvrir cette séance avec Alain Guéraud, notamment parce que je suis helléniste et pas latiniste. Ça, c'est presque anecdotique. C'est la même chose. Antiquisant et non médiéviste. Ça commence à être plus grave, mais nous pourrions encore nous entendre. Et aussi parce que j'enseignais lundi, à l'heure où il y avait la première séance de formation technique qu'Alain Guéraud assurait dans le cadre du programme e-philologie. Est-ce que certains d'entre vous participaient à ces séances pratiques? Le lien n'est pas obligatoire, mais on était curieux de savoir en réalité s'il y avait un groupement. Non? D'accord. Oui, vous étiez d'accord. Très bien. Donc, une représentante vaillante. Et cependant, même si donc je suis très mal placé, plus que certains d'entre vous dans cette salle, je crois que c'est la beauté de suivre l'évolution de ce champ que nous appelons maintenant humanité numérique, que de pouvoir être intéressé par des travaux comme ceux d'Alain Guéraud. Je sais que ces travaux m'intéressent directement, et ça fait plusieurs années, comme je viens de vous le dire, que j'avais l'intention de trouver un cadre pour organiser une rencontre. Je suis très heureux que ça ait lieu aujourd'hui. Alain Guéraud a eu comme principal cadre de travail le CNRS, et donc le loisir de la réflexion. Et on le connaît parfois aussi, lorsqu'on s'intéresse aux questions numériques, pour les cours de statistique qu'il a assuré à l'École des Chartes il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'une dizaine d'années à peu près, qui sont en ligne, je dois dire, et qui sont une ressource dont on voit la référence de temps en temps pour le meilleur. La seule chose que j'aimerais dire en tant que non-spécialiste, c'est que je vois dans vos travaux une très grande diversité d'intérêts, qui est à la fois une diversité d'objets, bien que le champ de l'histoire médiévale semble restreint de loin et énorme quand on le connaît, et aussi une diversité de méthodes. Et très tôt, la question des statistiques et du traitement automatisé des données, dans un contexte qui ne parlait pas d'humanité numérique, ni même n'employait beaucoup le mot numérique, a été centrale dans vos travaux. Et de ce que je sais aussi de votre approche, elle est souvent marquée par une radicalité, je dirais, ce qui vous fait sourire, je comprends très bien, et je dirais une radicalité, pour prendre un autre cliché, salutaire. Voilà. Si nous parlions de rhétorique, voilà les termes par lesquels j'aimerais ouvrir la séance. Ce qui m'intéresse beaucoup, cela dit, c'est que cette radicalité va aussi de pair avec un souci de construction, et que plus récemment, par exemple, votre participation au programme e-philologie fait aussi référence à un projet de plateforme collaborative, d'agrégation de données, et il s'agit de manière la plus intelligente possible et donc utilisable pour des traitements automatiques, de collecter les textes latins déjà disponibles, très souvent épars, difficiles à repérer, non structurés, structurés différemment, etc. De ce point de vue-là, évidemment, ça rejoint des problématiques actuelles qu'on nommerait comme des problématiques de fouilles de texte, de text mining, et tout simplement, comment, en tant que savant, travailler avec les données qui sont disponibles pour en faire autre chose que de les afficher en HTML, pour le dire de manière très simple. On est au plus loin de cette simple publication lorsqu'on travaille sur la sémantique historique, mais vous allez voir que l'exposé d'Alain Guéraud va explicitement, et puis dans la partie de discussion, nous permettre d'aller au-delà de cette problématique-là, parce que je crois que ce que vous allez montrer, c'est aussi qu'elle est centrale pour vous, et qu'elle se relie à votre parcours, tout simplement. Je vous laisse donc la parole. Merci à tous d'être là. Je pense que donc vous avez assez bien structuré votre exposé. Si à certains moments vous souhaitez avoir des réactions, dites-le nous, sans quoi elles viendront nombreuses dans la deuxième moitié de la séance. Est-ce que ça convient à tout le monde comme protocole, surtout à ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont qu'à dire oui? Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Bien, merci. Bon, bah, je commence par remercier chaleureusement Aurélien Béra pour cette invitation. Alors, il faut tout de suite que je vous prévienne qu'en réalité, mon objectif est simple, c'est de vous intoxiquer pendant une heure et demie pour qu'à la fin, vous soyez tous hors service. Méfiez-vous. Attendez-vous au pire. De toute façon, je m'arrêterai quand même au milieu, normalement. Hein. Donc, je vais, après avoir bien réfléchi, voilà. De toute façon, le sujet, c'est... sémantique historique entendue dans un sens relativement abstrait. C'est-à-dire, je ne veux pas tellement, je ne veux même probablement pas du tout parler technique aujourd'hui, puisque j'en ai déjà parlé lundi. Bon, si vous avez des questions techniques, il ne faut pas hésiter, il faut me les faire suivre. Je peux toujours essayer de voir ce que j'en pense, j'essaierai de répondre. Mais bon, aujourd'hui, c'est plutôt l'aspect abstrait. Et tout compte fait, je me suis dit qu'une solution, quelque chose qui pouvait avoir un arche minimum d'intérêt, c'était de vous expliquer, au fond, comment j'en suis arrivé à la façon dont aujourd'hui je pose les problèmes. Alors, attendez-vous, attention, ça dure un moment parce que, malheureusement, je suis plus très jeune, et donc le parcours a commencé il y a longtemps. Donc il a été long. Puisqu'en réalité, ça commence en gros en 67. C'est le moment où je suis rentré à l'école des chats. Ouais. Alors, à l'époque, j'étais jeune, fringant, etc., etc., bien. Et j'avais qu'une envie, c'était de m'occuper du Moyen-Âge. Et spécialement, j'avais une idée qui était de dater les églises romanes en Bourgogne du Sud. C'était ça mon objectif. Et ça l'est toujours. C'est-à-dire que ma perspective centrale, c'est les églises romanes dans une région précise, où il y en a beaucoup, il y en a au moins 200, et je m'étais aperçu, en fait, à l'étant adolescent, qu'elles avaient été plus ou moins examinées, mais jamais proprement datées. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé, que finalement je me suis aperçu que pour faire ça, il faudrait que je devienne médiéviste, éventuellement que je passe par l'école des chartes, donc voilà, Alors, quand arrivé à l'école des chartes, j'étais un peu surpris de ce que j'ai vu, puisque c'était totalement archaïque, réactionnaire, pénible. Seul avantage, j'ai été payé. Et puis j'ai vécu mes 68 de l'intérieur de la Sorbonne, qui était très drôle, très très drôle. Enfin, comme j'étais j'avais quelques titres, et donc j'ai commencé à fréquenter les grands médiévistes de l'époque, et là je dois dire j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup, beaucoup. Et je vois par rapport à vous, c'est le hasard, mais c'est quand même, c'est-à-dire que c'était une époque de conjoncture intellectuelle, de haute conjoncture intellectuelle. Si vous voulez, dans l'histoire de l'Europe, il y a comme ça des périodes de conjoncture intellectuelle haute ou au contraire basse. Aujourd'hui, on est en basse. Et oui, c'est pas discutable. Et moi, j'ai fait mes études à un moment de conjoncture très haute. Donc, j'en ai vraiment bénéficié. Et donc, j'ai connu, discuté, j'ai eu très bonnes relations avec la plupart des grands médiévistes français de l'époque, qui m'ont appris beaucoup de choses. Vraiment, je leur dois beaucoup. Spécialement Jacques Le Goff. Mais d'un autre côté, je me suis très rapidement posé la question. Je me dis, bon, pour dater les églises, il me faut une chronologie. Et autant que possible, que cette chronologie soit rationnelle. C'est-à-dire qu'on puisse expliquer pourquoi les choses se sont transformées et pourquoi à tel moment c'est comme ça et qu'ensuite c'est autrement. Alors j'ai commencé à poser cette question, je n'ai pas eu de réponse. Les collègues m'ont biaisé, ça ne tenait pas debout. J'ai cherché de tous les côtés, je suis allé à droite, à gauche, chez les curés, à l'Institut, au CERM, au Centre de Recherche Marxiste. J'ai posé toujours la même question et j'ai jamais eu de réponse. C'est pour ça que finalement, en fait, le conseil de Jacques Le Goff, c'était, à l'époque c'était complètement original, c'était « il faut voir les ethnologues ». Ah, bon. Donc après l'agrégation, j'ai suivi une formation d'anthropologie musclée. Et donc parmi les choses qu'on m'a apprises à ce moment-là, il y avait un cours d'ethnolinguistique, très intéressant. J'ai découvert un certain nombre de choses importantes que les cours de philologie romane de l'école des chartes ne m'avaient absolument pas fait connaître. Mais bon, donc j'avais une formation de philologue, traditionnelle, vraiment traditionnelle, et ethnolinguistique. Une perspective quand même de matérialisme historique qui m'a toujours guidé, et puis cette envie de dater les églises romanes. Alors, j'ai eu cette formation, on m'a dit, il faut choisir un terrain. Bon, donc je me suis dit, tiens, je vais aller chez les Arabes. On m'a dit, bah, il faut apprendre l'arabe. Ah bah oui, bon, donc j'ai appris l'arabe, et j'ai passé ensuite un an à Bagdad. Et c'était une expérience, pour la sémantique, l'expérience fondamentale. Fondamentale. C'est-à-dire que pendant un an, j'ai vu de jeunes Irakiens, à une époque où tout était en paix et tranquille, qui avaient à peu près mon âge, j'étais avec un Itak, et on avait tous les deux à peu près appris l'arabe, et donc on a discuté avec de jeunes Irakiens pendant un an. Et on s'est aperçu du presque le premier jour qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Alors, nous, on avait une formation d'ethnologue, et eux, non. Donc nous, on a immédiatement essayé de mobiliser nos compétences ethnographiques en se disant, bon, attention, il faut, nous, c'est à nous de faire un effort, d'essayer de comprendre ce qu'ils nous racontent, la logique de ce qu'ils nous racontent. Parce que ils avaient donc 27, 28 ans, comme nous, et la question, mais c'était à chaque séance de discussion, c'était combien coûte une femme en France ? La première fois, on s'est dit, non, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, c'est revenu pendant un an, ça n'a jamais cessé, et on n'a jamais pu donner de réponse. Et donc, ils n'étaient pas contents, ils nous considéraient, alors, on était très bien vus parce qu'on était français, parce qu'on savait l'arabe, etc., etc. Moi, j'avais une tête d'Irakien à ce moment-là, mais on n'avait pas répondu à la question fondamentale, qui était de savoir combien coûte une femme à Paris. Bon, alors, si vous voulez, pour nous, c'était ça l'expérience de base. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés, aujourd'hui, totalement contemporaines, des gens avec qui, comme ça, on peut discuter, et avec qui on ne se comprend pas. C'est-à-dire qui ont une représentation de la société, de l'univers, de tout ce que vous voudrez, qui n'est pas compatible avec la nôtre, qui est franchement distincte. Ça, quand on ne l'a pas vécu, c'est très difficile à s'imaginer. Très difficile à s'imaginer. Parce que, si vous voulez, il y a déjà des différences entre un français et un allemand. Elles ne sont pas très visibles, mais elles sont très profondes. Et bon, j'ai discuté beaucoup avec un collègue, un vieux collègue, et après des dizaines d'heures de discussion, j'ai fini par identifier un certain nombre de problèmes auxquels je n'avais jamais pensé. Mais, au fond, c'est des détails. Quand vous êtes dans une société comme celle de l'Irak contemporain, c'est autre chose. Même si vous savez très bien le parler, et même si vous savez le Coran par cœur, il faut... Et alors, l'expérience, la seconde, qui est très intéressante, c'est que... Donc nous, moi j'étais rattaché à l'ambassade, donc on connaissait les fonctionnaires français de l'ambassade. Et comme on était tous les deux plein de titres et tout, les fonctionnaires de l'ambassade, il y en avait un certain nombre quand même avec qui on avait de bonnes relations. En particulier, il y en avait un qui était premier secrétaire et qui, plus tard, est devenu chef des services de renseignement français. Donc, c'était quand même il y en avait au moins un ou deux qui étaient assez malins. Avec eux, on discutait. Et d'ailleurs, ils nous ont appris, celui-là en particulier, il avait bien compris comment fonctionnait la société irakienne, mais c'était le seul à l'ambassade. Les deux Irakiens en particulier avec qui on était très liés, ils avaient à un moment donné décidé de venir en France. Bon, très bonne idée. Ils avaient besoin de papiers, de tampons, de consulat. Ah, ils nous ont dit, il faut venir avec nous au consulat. Ouh, je me suis dit, là, ça commence à sentir mauvais. Enfin, on ne pouvait pas refuser. On était des frères, donc il fallait bien y aller. Et là, c'est là qu'on s'est trouvé. Enfin, j'y suis allé seul, en réalité, parce qu'Anita, je lui ai dit, écoute, reste où t'es. De toute façon, une femme, ça joue pas drôle. Alors, eux, en arrivant dans le bureau, ils ont considéré qu'ils étaient avec un Français, un frère, que donc ils allaient passer devant la queue. Parce que, en Irak, c'est ça. C'est-à-dire, quand on est bien connu, quand on est ci et ça, et qu'on est connu du tel qui est derrière le bureau, on franchit la queue et on dit, on fait quelques salams, et on passe. Normal. Un Français qui m'aurait vu faire ça, m'aurait dit, mais t'es fou, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la queue. Enfin, je ne pouvais pas. Donc d'un côté, il y avait les Irakiens qui attendaient que je fasse le brisqueux, mais il y avait les Français pour qui c'était impensable. Donc de toute façon, je perdais des deux côtés. si vous voulez, c'est dans ce genre de circonstances qu'on se rend compte que deux visions du monde différentes, ça ne marche pas ensemble, vraiment. Mais des expériences comme ça, on en a eu toute une collection. Et donc, c'est à partir de cette expérience que je suis revenu, tout de suite, on reprend, au Moyen-Âge. En partant de l'hypothèse que la société du XIIIe siècle, c'était à peu près comme la société irakienne, c'est-à-dire que ce n'était pas notre société, et qu'il fallait partir de l'idée que, de toute façon, on ne pouvait pas se comprendre comme ça. C'est ça, le débat. À la limite, ça suffit. Tout le reste, ça, c'est de la littérature. Hein ? Voilà. Donc, c'est le problème, c'est que parmi les collègues médiévistes que je connais, j'en connais beaucoup, j'en connais aucun qui ait eu cette expérience. Et donc, si, peut-être, un ou deux, enfin, Bachet, Ochiapas, par exemple, ça lui arrive quand même de comprendre un peu ce qui se passe, des choses comme ça. Mais c'est presque impossible de faire comprendre à un collègue français ce genre de problème. Donc, le problème de la sémantique historique, c'est imperméable pour les collègues. Donc là, je vous parlais, mais... Oui, je fais ce que je peux, mais sans illusion. Alors, après ça, donc on a écrit un bouquin sur l'Irak. Première chose, pour mettre au clair, bon, ça c'est un détail. Et puis, j'ai revu un peu un certain nombre de collègues et je me suis dit, bon, bah, écoute, il faut que je fasse un bilan sur douzaine d'années de formation et de discussion avec ce qu'il y avait de mieux comme médiéviste. Donc j'ai écrit un petit bouquin que vous trouvez d'ailleurs maintenant qui est en ligne, accès, bon, vous pouvez télécharger, sur le féodalisme. Et l'objet de ce livre, c'était de montrer que l'histoire médiévale et rien actuellement, c'est la même chose. C'est-à-dire la question centrale, pourquoi la société européenne s'est transformée du 5e au 17e, personne ne pose la question. Et naturellement, personne n'y répond. Pour moi, c'est la seule question intéressante. Donc en réalité, toute la sémantique historique, c'est dans le cadre de cette idée, pourquoi la société européenne du 5e au 17e siècle s'est retournée quasiment à 180 degrés. Pourquoi on passe d'une société quasi sauvage à une société qui est déjà plus ou moins capitaliste? C'est pas clair. Et là-dessus, personne n'a jamais rien raconté. Et même Marx est passé complètement à côté de la question, pour s'en rendre compte du problème. C'est pas une société... Tout le monde vit sur l'illusion d'Adam Smith et de quelques des Anglais, etc., qui est la société féodale, c'est une société bloquée, coincée, ça bouge pas, c'est l'horreur, c'est le blocage, quoi. Désolé, c'est le contraire. C'est pas du tout bloqué. Il y a des contraintes et graves, importantes, tout ce que vous voudrez, mais ça ne cesse de se transformer. Donc la question, c'est quelle est la dynamique, quelle est la logique qui fait que ça se transforme? Et évidemment, il y a des bâtiments, il y a des objets archéologiques, mais il y a quand même surtout des textes. Donc, éclairer les textes, essayer de ne pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, et de leur faire dire ce qu'ils peuvent dire, c'est la clé pour essayer de répondre à la question. Donc, la sémantique historique, pour moi, c'est juste un... Enfin, c'est juste. C'est un moyen pour essayer de comprendre la société médiévale. Et pour pouvoir dater les églises romaines. C'est sérieux. Bon. Et d'ailleurs, la sémantique historique m'a effectivement permis de dater les églises romaines. Donc ça marche quand même pas si mal. Mais... Donc j'ai écrit ce bouquin qui a été... que tout le monde a lu. Il n'y a jamais eu de compte-rendu. Mais ici... Bon, à l'époque, c'était Boulevard Raspail. Quand j'allais à la cafétéria, il y avait des collègues qui me présentaient, qui me disaient, voilà, c'est un héros. Ah, c'est vous, les féodalistes. Mais c'est assez drôle parce que tout un tas de collègues qui n'étaient pas du tout historiens, ils avaient lu le livre. Bon, mais ça n'a eu aucun effet. Ouais. Alors, à partir de là, j'ai eu beaucoup de peine pour commencer à essayer de clarifier, d'organiser un peu les affaires. Essayer de comprendre, essayer de voir dans... Je partais du principe que c'était le mode de production qu'il fallait essayer de comprendre et de clarifier. Ouh, ouh, Il m'a fallu au moins 10 ans pour commencer à voir un peu plus près, un peu plus clair de ce qui se passait. Bon. Mais il y a eu quelque chose qui n'était absolument pas prévu, qui est arrivé comme ça, c'est les ordinateurs. Donc le premier... Alors, moi, quand j'ai fait mes études, il n'y avait pas de calculette. C'est-à-dire, pour faire des additions, je m'intéressais du reste statistique, il fallait faire au crayon sur un morceau de papier, avec une règle à calcul pour éventuellement faire quelques divisions, multiplications, et une table de logarithme si on voulait faire des calculs plus compliqués. J'étais devenu assez bon, mais bon, c'est tout perdu. Donc, la première calculette que j'ai eue, c'était en 1974. Et je me suis acheté une calculette programmable en 78. Et j'ai commencé à programmer sur une petite calculette, Texas Instruments. Et en 83, j'ai eu mon premier ordinateur. Ah. Et ça, c'était évidemment pas prévu au moment de mes études, c'était imprévisible. C'était pas comme ça que ça, j'aurais dû toute ma vie faire des petites fiches en carton. Voilà. Et donc, j'ai commencé à programmer. Alors j'ai fait tout un tas de conneries, j'ai programmé en basique, surtout basique pendant des tas d'années. Le QUIC basique, j'aimais bien, ça marchait très bien, puis bon, c'est mort. Des bases. Toute la logique de des bases m'était bien, j'avais bien saisi. Et ma femme me répétait tout le temps, mais pourquoi tu perds ton temps avec ces conneries? ça c'est le vécu, comme on dit bêtement. Mais enfin, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai appris sur le tas, à programmer, à voir ce que c'était qu'une boucle, un test, tout ça, comment ça marche, et à faire des calculs, des statistiques. Donc j'ai progressivement pris l'habitude, enfin je me suis progressivement formé sur le tas en matière de statistiques. J'ai acquis un minimum de compétences, j'ai lu des manuels. Et puis, donc c'est comme ça, je ne sais plus pour faire un compte-rendu, j'ai fait un article dans Histoire et Mesure, j'ai participé à la création d'Histoire et Mesure et, en 86, et j'ai écrit un an ou deux ans après un article qui s'appelait « Pourquoi l'historien doit-il compter les mots ?» À une époque où c'était purement théorique, puisqu'il n'y avait pas de corpus. On avait des outils statistiques, mais on ne pouvait pas faire de calcul sur les mots, puisqu'il n'y avait pas de mots en format numérique. Mais enfin bon. Et donc j'ai attendu la langue pendante de trouver des textes numérisés. Et donc les premiers qui sont arrivés, c'est les CD-ROM, qui vendaient très cher et qu'il fallait pirater. Donc j'étais devenu un as du piratage. J'en avais tout un stock. Donc enfin, j'ai eu au fur et à mesure tous les CD-ROM au fur et à mesure qui sortaient, je m'étais débrouillé pour avoir une copie. Bon, il y avait certains trucs qui étaient récupérables, d'autres qui étaient beaucoup plus difficiles. En fait, j'ai commencé vraiment à voir un peu les choses se clarifier il y a une quinzaine d'années, début des années 2000, parce que là, il y avait effectivement déjà quelques textes numérisés, et il y avait des outils statistiques propres, libres, efficaces. Donc déjà la possibilité de commencer un peu à avoir une perspective. Puis depuis, bon, ben, je passe une partie de mon temps à essayer à la fois d'améliorer les corpus et d'améliorer les procédures d'analyse et de calcul, dont j'ai parlé l'autre jour. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer maintenant pourquoi on en est arrivé là, alors pas du mon point de vue, mais du point de vue de l'histoire générale de la réflexion historique. Et pourquoi, d'une certaine façon, ensuite je vous essaierai de vous montrer de façon synthétique comment je vois les choses. Alors, ce qui est très étrange, alors peut-être que certains le savent, mais moi je n'ai pas de connaissance de ça, je n'ai pas l'impression qu'il existe une histoire de la sémantique historique. Si quelqu'un connaît, alors soyez gentil, faites suivre. Bon, alors, de toute façon, et en fait, tout ce que je vous raconte, c'est des trucs que j'ai découverts progressivement. Alors, c'est sûr que maintenant, tous les auteurs dont je vais vous parler, vous marquez le nom sur un bout de papier et vous filez sur Wikipédia et vous aurez tout ce qu'il faut. Surtout si vous regardez les trois principaux Wikipédia, vous aurez vraiment les infos nécessaires. En fait, le premier auteur important, c'est Friedrich August Wolff, en 1795, qui publie un petit volume en latin, Prolegomena ad Homerum, que tous les philologues connaissent par cœur, naturellement. Vous le trouvez sur Internet, facile. Hein, il a été traduit en allemand, pour ceux qui savent plus d'allemand que de latin, ou qui lisent l'allemand plus couramment. Il a été traduit, je crois, en 1908, et il y a aussi le PDF sur Internet. Donc vous pouvez lire Prolegomena sous Homer. Homer. Et ce type, alors c'était pas quand même... C'était quelqu'un qui était en relation avec Humboldt, avec Goethe, Schiller, enfin avec le Grimm, c'était le niveau supérieur. Mais il a eu cette idée qui nous paraît... C'est que, pour comprendre les textes d'Homère, il faut connaître la société homérique. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas la société homérique, sinon par les textes d'Homère. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et il n'a pas donné la solution, mais il a eu quand même l'immense mérite de poser le problème. C'est-à-dire qu'on est... Et ça, c'est le problème global des historiens dont on n'est pas vraiment sorti. C'est-à-dire que pour connaître beaucoup de sociétés, on a des textes en plus ou moins grande quantité, mais pas grand-chose d'autre. Et en tout cas, on n'a pas contact avec les gens. On ne peut pas les regarder sous le nez, aller voir comment... Si vous voulez, le contact que j'avais à Bagdad, on ne peut pas l'avoir avec les gens du XIIIe siècle. C'est dommage, mais c'est ainsi. Donc en fait, c'est une sorte d'aporie logique. En logique aristotélicienne, ça ne peut pas se résoudre. Heureusement, il n'y a pas que la logique aristotélicienne. Bon, donc... Les Prolegomena ad Homerum. Et puis, en fait, l'auteur qui vient tout de suite après, il y a eu une correspondance entre Friedrich August Wolff et Wilhelm von Humboldt. Donc, Wilhelm von Humboldt, c'est un des pères de la pensée allemande, et à juste titre. Donc, c'est lui aussi un des grands de l'époque classique. Un ami de Goethe, de Schiller et de Grimm. Et comme vous savez, il a eu une carrière très variée. Il a fait politique, de la diplomatie, il a fondé l'université de Berlin. Mais c'était un esprit très curieux, assez universel. Il est allé chez les Basques pour apprendre le basque. Et donc, il s'est occupé des langues agglutinantes. Voyez-vous ça? Il faut du courage. Et puis... Comme il connaissait naturellement toutes les langues classiques parfaitement, il a commencé à s'interroger sur les structures du latin et surtout du grec, parce que tout le monde doit savoir, enfin sait sûrement. Et puis son frère, comme vous savez, était lui alors encore plus exotique. Donc il est plus ou moins comme ça en discutant avec son frère, il est parti dans le Pacifique. Et donc, il a commencé une étude des langues mélanésiennes. Et il y est resté longtemps. Et donc, il a examiné de façon très détaillée toute une série de langues là-bas, de Java, de Bornéo, de Sumatra, et des îles, tout ça. Et le texte le plus important, qui est cité partout, et donc d'ailleurs, c'est un texte posthume, puisqu'il est mort en 1835 ou 34, je ne sais plus. Et donc, qui est paru en 1938, c'est son frère qui l'a publié, qui s'appelle simplement Über die Kavi-Sprache auf der Insel Java. Donc, c'est l'essai sur, enfin, la description de la langue Kavi de Java, telle que lui l'avait pu l'observer. C'est une langue très étrange, puisque c'est une langue purement théâtrale et liturgique. Est parlé par très peu de gens, c'était encore moins fréquent que le latin en Europe occidentale. C'est une langue d'origine indienne, mais qui s'était promenée avec le bouddhisme, enfin c'est une histoire très compliquée. Et donc il a réfléchi sur la relation qui pouvait exister entre les migrations, la structure sociale, l'organisation liturgique et cette langue assez étrange qu'il a essayé de décrire. Et donc c'était avec ce type d'observation dans le Pays Basque, chez les Grecs, sur Java, qu'il a élaboré toute une réflexion sur la relation entre la langue et la pensée. Et il est le premier à avoir vraiment approfondi cette perspective. On ne peut pas faire, à mon avis, de sémantique historique sans connaître assez sérieusement les textes sur la langue de Wilhelm von Humboldt. Un certain nombre sont traduits en français. De toute façon, il ne faut pas le lire en français, ça veut rien, c'est idiot, il faut le lire en allemand. Traduction française, c'est incompréhensible. Et, alors, il y a un grand article qui est quand même aussi, alors que vous pouvez lire assez vite, qui est une réflexion sur le duel. Pour ceux qui savent ce que c'est, ça existe en grec, ça existe en arabe. Le genre qui n'est le nombre qui n'est ni singulier ni pluriel, qui est le duel. Hein? En vieux russe aussi. En vieux russe. En vieux russe. Bon. Enfin, c'est d'origine. À la fois les langues, aussi bien les langues sémitiques qu'indo-européennes, les États anciens connaissent ce type de problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement le singulier et le pluriel. Et donc, la réflexion, c'est qu'est-ce que ça signifie qu'en grec, il y a un duel ? Est-ce que ça a un impact quelconque sur la manière des Grecs de penser ? Donc, enfin, il est tout de suite allé à un point difficile qui est, y a-t-il une relation entre la pensée et la syntaxe ? Naturellement, la réponse, c'était oui. Et donc, il a tout simplement déclaré ce qui, moi, me semble une vérité de la palisse, c'est qu'on ne pense pas de la même façon selon la langue qu'on utilise. Et il y a des langues qui se prêtent à la pensée et d'autres qui ne s'y prêtent pas du tout. Et donc l'allemand aujourd'hui se prête à la pensée, l'anglais ne s'y prête pas du tout. C'est comme ça. Les langues ne sont pas équivalentes du point de vue des capacités. Il y a des langues qui sont faites qui sont des pidgins. Le pidgin, c'est fait pour le commerce, c'est fait pour les relations, comme ça. Et puis il y a des langues qui sont faites pour penser. L'arabe ou l'allemand sont faites pour penser. Bon. Pour un tas de raisons. Alors, ce qui est très étonnant et ce qui n'est pas très facile à comprendre, c'est que, donc, il y a eu cette énorme avancée de Wilhelm von Humboldt qui a été assez connue, qui a été bien reçue, à l'époque, dans les années 1830, 1840, tout le monde en parlait. Et puis, complètement perdu de vue. Dans les années 1860, il n'est plus question de nulle part de Humboldt. Bon, il y en a quelques-uns qui le citent comme ça en bas de page, Droysen dans la historique. Il y a une phrase sur Wilhelm von Humboldt. Si vous voulez faire les affaires langues, regardez Humboldt. Terminé, on n'en parle plus. Et en fait, on est retombé à un état antérieur. C'est-à-dire que toute la réflexion de Wolff, de Humboldt et d'un certain nombre de gens autour, verschwunden, disparu, plus rien. Ça, c'est un phénomène historique très intéressant. Moi, je ne sais pas l'expliquer. Donc, en fait, on reprend les choses quasiment à zéro par la suite. Et donc, si vous voulez, alors à ce moment-là, je pense qu'il se passe, c'est que en France, il y a quelque chose de tout à fait différent qui commence à se développer. En gros, disons sous le Second Empire, parce que le Second Empire, notamment la grande entreprise dictionnaire de Littré. Émile Littré, le dictionnaire de la langue française de Littré, c'est vraiment aussi une date essentielle. C'est paru de quoi ? De 1847-1872, ça a mis très longtemps. Mais en même temps, c'est devenu une référence sur la façon de concevoir donc le lexique, les mots, le sens des mots, comment on éclaire le sens des mots. Et donc c'est tout ce qu'on appelle en fait bêtement le positivisme français du 19e siècle. Donc le deuxième qu'on connaît, auquel on ne pense pas trop en matière de sémantique, c'est tout simplement Gustave Lanson. Et Gustave Lanson, qui est donc connu pour l'histoire de la littérature, tout ce qu'il y a de archi-traditionnel, qui vaut quand même la peine d'être lu, a écrit à l'usage des demoiselles un volume qui s'appelle « Conseils sur l'art d'écrire ». Mesdemoiselles, vous avez 15 ans, on vous demande des dissertations, vous ne savez pas comment vous y prendre. Voilà, moi, ce que je vous conseille. Écoutez, cherchez sur Internet, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et quand vous aurez lu 10 pages, vous allez lire jusqu'à la fin. C'est Trier qui le cite à un endroit, c'est comme ça que je l'ai découvert. Eh bien, c'est particulièrement malin. Et les rapports, justement, entre la manière d'écrire et la manière de penser, c'est vraiment un point très intéressant. C'est jamais cité, alors qu'en réalité, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Et puis, alors, ça se termine par un auteur qu'au contraire, on cite tout le temps, qui est Michel Bréal. Donc, Michel Bréal, 1832-1915, c'est quelqu'un de très particulier, puisqu'en réalité, il était de Landau. Donc, il était c'est un Alsacien, c'est un Ashkénaze alsacien d'une famille, mais vous savez, Landau était resté français jusqu'en 1815. Et c'est le traité de Vienne qui fait que Landau est passé à la Pfalz. Mais la famille Bréal continuait de parler le français. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens à Landau, aujourd'hui encore, qui regrettent l'époque française. Et on voit, d'ailleurs, on fait visiter la maison de Bréal à Landau. Donc il était en fait à cheval sur plusieurs cultures. C'est un intellectuel de haut vol. Et il a écrit en 1897 un ouvrage qui est cité partout qui s'appelle « L'essai de sémantique ». Et c'est la première fois qu'on utilise vraiment ce terme. Donc quand on fait l'histoire du mot sémantique, hop, on tombe presque automatiquement sur l'essai de sémantique de Bréal, qui vaut la peine d'être lu quand même. C'était quand même aussi déjà, enfin, c'était quelque chose de construit. C'est-à-dire que ce type connaissait tout un tas de langues classiques avec lesquelles il était capable de jongler. Et il a réfléchi aussi, enfin bon, il a fait un tas de choses, mais il a réfléchi sur l'enseignement des langues, c'est-à-dire comment faire pour apprendre une langue ancienne ou vivante. Donc, au fond, comment faire pour quelqu'un qui pense déjà d'une certaine façon dans une certaine langue, comment faire pour lui faire ingérer une autre langue, donc certaines autres manières de penser, qu'est-ce qui colle, qu'est-ce qui colle pas, etc. Donc ça, c'est quand même aussi très intéressant. Et puis, à la même époque, il y a donc l'allemand plus ou moins équivalent, qui est Hermann Paul, qui lui s'occupait de Mittelhochdeutsch, d'ailleurs le successeur de Lexer à la chaire de Hochschule de München, et qui a aussi écrit beaucoup de choses sur ce problème de la sémantique. Über die Aufgabe der wissenschaftlichen Lexikographie, 1894. Et ce qui est beaucoup plus cité, c'est Die Prinzipien der Sprachgeschichte. Et en Allemagne, on en est à la 10e édition, 1895. Ce qui veut dire que c'est toujours un manuel considéré comme important. Et je pense à juste titre. Alors ça, c'est une étape intermédiaire. C'est l'histoire des mots. Si vous voulez, il y a aussi le manuel de Bruno sur l'histoire des mots, etc. C'est l'idée qu'on prend les mots un par un, chacun pour soi. C'est dans la perspective de la lexicographie historique. Donc on fait l'histoire des mots. Les mots, ils ont une histoire qui est fort amusante la plupart du temps, mais il faut essayer de voir comment, pourquoi, etc., comment ça se développe. C'est, si vous voulez, c'est quelque chose qui a cette particularité d'être totalement éclaté. On prend les mots chacun. On ne se demande jamais la relation entre les mots. Alors, c'est ce qui change complètement, mais sans qu'il y ait beaucoup de relations, au moment de la République de Weimar, avec deux noms, deux auteurs allemands, Walter Porzig et Jost Trier. Ces deux auteurs sont, pour moi, les deux auteurs fondamentaux. ce sont les deux créateurs de la notion de champ sémantique. Donc d'une certaine façon, ils arrivent, d'ailleurs ils connaissaient le manuel, le cours de Ferdinand de Saussure, mais en fait ils étaient surtout influencés par Cassirer. Et donc ils connaissaient surtout correctement, enfin bien, d'ailleurs à l'époque on discutait, Ernst Cassirer. Et vous ne pouvez pas faire de sémantique historique si vous ne connaissez pas Cassirer. Donc les philosophies der symbolischen Form, ça, c'est pas facile à lire, c'est long, c'est abstrait, mais c'est de là que sortent beaucoup de choses. Alors, Porzi, lui, il a fait un petit article, dont d'ailleurs je n'ai plus pas retrouvé la référence. Pour lui, si vous voulez, en gros, il y a deux types de champs sémantiques. Je vais reprendre l'exemple. Le chien. Vous avez un pivot, le chien. Vous avez deux axes. Ou bien vous prenez l'axe, ça. Donc il y a le chien, le chat, la chèvre, la vache, tous les mammifères, tous les animaux domestiques, c'est ça. Ça, c'est une forme de champ sémantique. Et ça, c'est le champ sémantique au sens de Trier. L'intelligence, l'astuce, l'imagination, donc. Mais Porzi, lui, c'est l'autre axe. Le chien, ah ben, il y a une niche, il y a une laisse, il y a de la pâtée, il y a des morsures, il y a, voilà, etc. Si vous voulez, c'est les objets qui sont, ou les propriétés, tout ce que vous voudrez, qui sont liés au pivot. C'est pas du tout la même façon de voir les choses. Ce sont deux manières qui sont totalement complémentaires. Mais je pense que ni Trier, ni Porzi se sont rendus compte que c'était complémentaire. Ils se sont un peu affrontés. Alors, l'histoire de Trier aussi est très très drôle. Puisqu'en fait, il avait commencé par faire une excellente thèse sur, qui s'appelle Der Heilige Jodokus, une thèse d'ethnographie européenne, sur un saint dans la région Mosellane. Et c'est vraiment un travail absolument splendide. Avec beaucoup de cas, il a étudié tous les problèmes du culte de Jodokus, Jost, dans les pays de la Meuse. Donc en fait, c'était un spécialiste d'ethnologie européenne. C'est un ethnologue. Même s'il avait une bonne formation comme philologue, bon. Mais au fond, son intérêt ensuite jusqu'à sa mort, c'était l'ethnologie allemande, contemporaine. Essayer de comprendre ce que les gens font, pourquoi ils le font, tout un tas de trucs plus ou moins ridicules. En France, on appelle ça plutôt des folkloristes au départ. Et il s'est trouvé soldat en 1914. Il a été fait prisonnier. Tout mieux pour lui. Et les Français se sont dit « Oulala, c'est un intellectuel ». On va quand même le mettre quelque part où il peut être utile. Donc on l'a envoyé comme ouvrier terrassier sur des chantiers de fouilles en Afrique du Nord. Des fouilles d'anciennes, romaines. Et donc il a participé pendant 2 ans à des fouilles en Afrique du Nord, comme fouilleur. Et naturellement, comme il savait le français, il connaissait l'histoire et c'est ça, forcément il a discuté avec les collègues français qui étaient en train de fouiller, puis c'était au même niveau. Et je pense que ça joue aussi un grand rôle dans sa formation. Et puis, comme il était bien vu, que tout le monde lui voulait du bien, parce qu'il était sympathique et tout, il a fait partie d'un contingent très curieux d'échanges de prisonniers. Il y a eu, 1917, je crois, les Français, les Allemands et les prisonniers se sont dit « ils nous fatiguent, ça nous coûte cher », etc. Donc tous les prisonniers ont été transférés en Suisse. Avec, évidemment, obligation d'y rester. Donc il a fait partie de ce lot de prisonniers allemands qui ont été envoyés en Suisse avec interdiction d'en sortir. Alors là, il s'est retrouvé, il ne savait pas quoi faire, donc il est allé à Bâle, à l'université, il s'est inscrit à l'université à Basel, et c'est là qu'il a récupéré son sujet d'habilitation. Et il est tombé sur un prof philologue qui lui a dit « Occupez-vous des champs sémantiques, enfin, occupez-vous de l'organisation du sens, etc. » Visiblement, il n'en avait aucune envie. Mais bon, les conditions étaient telles qu'il a dit « Bon, bah, si c'est ça, d'accord. » Et donc, il a entrepris un travail dans cette direction qui n'était pas sa perspective centrale. Et donc, après la guerre, donc, il a fini par soutenir, en 1930-31, une habilitation. Un volume qui est d'ailleurs difficile à trouver, parce que le Winter Verlag... Donc, qui s'appelle Der Deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Donc, le vocabulaire allemand dans le champ, dans le domaine du sens, de l'entendement. C'est jamais traduit, très rarement cité. Enfin, quand c'est cité sans être lu ou sans être traduit. Donc, il a pris les textes allemands jusqu'à la fin du XIIIe siècle, par période, et il a regardé le vocabulaire. Et donc, il a montré que le vocabulaire change, c'est-à-dire qu'il y a des mots nouveaux qui apparaissent, que les relations entre les mots ont changé. Et donc, il essaye de montrer pourquoi et comment la manière que les auteurs allemands, d'abord en latin et puis en Mittelhochdeutsch, se sont représentés les capacités mentales. Qu'est-ce que signifie Kunst, qu'est-ce que signifie List, Verstand, etc. Et ça a totalement évolué. Et donc, c'est vraiment très amusant à lire. Et c'est la première fois qu'on a vraiment fait une étude de sémantique historique au sens où moi je l'entends. Il n'y a pas de progrès sérieux depuis. Je dirais même qu'il y a un grand recul. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quasiment les deux articles Wikipédia sur Trier et Portsig sont quasiment vides. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ces deux auteurs absolument fondamentaux sont totalement écartés de la piste. Alors, ensuite, on change à nouveau complètement de zone. On arrive aux États-Unis avec trois auteurs. D'abord, Franz Boas. Donc, deux Allemands. D'abord, deux Ashkénazes pur jus. Franz Boas, qui est arrivé aux États-Unis presque contre son gré, mais bon, il en avait marre de la situation en Allemagne à la fin du 19e, qui était donc né à Minden en 1858. Et qui s'occupait d'abord de physique. Il a commencé par étudier l'eau de mer. Et pour étudier l'eau de mer, il est parti au Groenland, et donc il a commencé à trafiquer avec les Esquimaux. Donc il s'est reconverti géographe. Et puis de géographe, il a étudié la langue des Inuits. Et donc il est devenu linguiste. En fait, il est devenu ethnologue. Et c'est lui le fondateur de l'ethnologie américaine. Donc c'est un ingénieur allemand qui a créé la linguistique et l'ethno-linguistique américaine. Franz Boas, quelqu'un très intéressant aussi. Complètement un Außenseiter aussi, premier ordre. Alors, il y a plusieurs textes de lui qui sont sur que vous trouvez sur PDF. Et en particulier, c'est lui qui a étudié très attentivement toute une série de tribus indiennes là-bas de la côte ouest, alors surtout d'ailleurs au Canada. Donc des noms qui sont célèbres chez les ethnologues, les Tsimshian, les Klindlik, les Kwatiutl, tout ça, c'est lui. Et vous trouvez les volumes. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous trouvez dans le même volume des dessins, des totems, des plumes, tout ça, etc. Et vous avez la transcription des textes. La transcription en caractère phonétique des textes en Kwakiutl ou en Tsimshian. Donc ça, c'est le type qui quand même considérait qu'on ne pouvait pas faire d'ethnologie si on ne comprenait pas la langue des... C'est une tradition qui s'est quand même perdue, faut vous voir. Il y a beaucoup de gens qui vont chez les machins chouettes et qui ne savent pas la langue, qui s'imaginent que le pidgin va suffire. Enfin, bon. Et alors, il a eu comme élève un nommé Edward Sapir, qui était encore un germano machin qui était donc né à Lauenburg. Alors on dit plus Lauenburg aujourd'hui, on dit c'est en Pologne maintenant. les Bork ou je ne sais quoi. Enfin, c'était Lauenburg à l'époque. Et donc lui, il est parti très vite aux États-Unis et il s'est occupé de linguistique aussi amérindienne. Il a travaillé là-dessus et il a essayé de formaliser justement l'enseignement de Boas, et il a commencé à expliquer qu'au fond, on pensait différemment selon la langue qu'on employait. Donc il a retrouvé, probablement sans le savoir, des choses qui dataient en fait plus d'un siècle avant, que Humboldt avait déjà très bien expliqué. Mais manifestement, il n'y avait pas de lien. Et puis, alors, il y a un autre Américain qui est aussi devenu célèbre, qui s'appelle Benjamin Lee Whorf, qui lui a commencé comme agent d'assurance, qui n'a jamais vraiment été intégré dans le cadre universitaire, et qui a développé avec Sapir cette idée de la relation entre les langues et la pensée et la façon de penser. Ce qui fait que aujourd'hui, vous avez quelque chose qui est bien connu, enfin, je veux dire, un terme, une formule qui est bien connue, qui est l'hypothèse Sapir-Whorf. Ça, vous avez les articles Wikipédia, plus qu'il n'en faut, d'ailleurs pas très intelligent, sur l'hypothèse Sapir-Whorf. Enfin, en fait, c'est essentiellement des textes posthumes de Whorf qui sont parus dans les années 50. Et alors, ce qui est surtout intéressant dans les articles Wikipédia sur l'hypothèse, c'est le déluge d'hostilité qui a déferlé dans les années 50 et 60 pour expliquer que c'était impossible, que ça ne tenait pas debout, que c'était horrible, qu'on ne pouvait pas faire ça, que non, jamais de la vie, il n'y a pas de relation entre la langue et la pensée, toutes les langues sont équivalentes, etc. Et donc, ils ont été traînés dans la boue. Ah, il y a quelques personnes qui ont dit, mais attendez, c'est peut-être quand même, peut-être regarder plus près, mais même aujourd'hui, si vous dites que vous êtes partisan de l'hypothèse Sapir-Whorf, chez les linguistes, on vous jette à la porte. Zouistes. Alors, où est-ce qu'on en est? On en est que j'ai déjà fait une heure, donc il va falloir que je m'arrête. Ça repart à nouveau dans un tout autre zone, chez les Américains, mais à un autre endroit. C'est la naissance de la statistique lexicale, qui est pour moi aussi quelque chose de très important, et qui n'a aucun rapport avec tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. C'est les trois auteurs qui se succèdent à deux ou trois ans près, juste après la guerre. Trois auteurs, Claude Shannon, qui est connu partout, qui est l'auteur de la théorie de l'information, un article qui lui a permis de vivre toute sa vie tranquille. 50 pages de mathématiques qui sont quand même un peu hard. Hein. C'est pas tout seul. Bon. George Kingsley Zipf, qui a établi la relation que tout le monde connaît comme la loi de Zipf, et un franco-polonais américain, Benoît Mandelbrot, qui a établi clairement une loi beaucoup plus précise et correcte et qui a développé toute la statistique parisienne et donc ce truc bizarre qu'il appelle les objets fractales, qui est quelque chose absolument essentiel pour faire des calculs quand on veut faire de la statistique lexicale. Et en 1952 ou 53, l'essentiel était précisé. Ça a duré, ça s'est fait d'un seul coup, en quelques années. Mais ça n'a pas été reçu. Personne n'a voulu entendre parler. Le seul auteur français qui s'est rendu compte de ça, c'était aussi quelqu'un de très particulier qui s'appelait Pierre Guiraud. Pierre Guiraud, qui était un individu un peu particulier, un peu bizarre, et qui s'est tapé de mettre des textes entiers en fiche pour faire des calculs. Il a mis toutes les poésies de Rimbaud, Baudelaire, enfin, il a pris Verlaine, il a pris tout un tas d'auteurs intéressants comme ça, et il a fait des fiches, des calculs, et il a publié en 54-55 le résultat de ses calculs pour montrer. Et puis il y a toute une réflexion sur le vocabulaire, sur la structure du vocabulaire, les niveaux de vocabulaire, la façon dont on peut gérer tout ça. Et il a montré déjà une chose très intéressante qu'il a trouvée tout seul, c'est que si on prend les divers recueils de Rimbaud, on se rend compte que la richesse du vocabulaire augmente régulièrement. Et donc il a montré comment on pouvait l'établir. Et ça, tout ça, à la main. Ben, faut être fort. Hein. Moi, je n'y arriverai pas. Et puis, alors, il y a deux ou trois Français. Enfin, il y a en particulier un nommé Georges Matory, qui est très intéressant aussi. Il a écrit un bouquin sur... Comment il s'appelle? Sur la sémantique. Enfin, sur... Matory, c'était un Il était dans une famille d'artisans, il avait un CAP dessinateur. Et puis, il a fait, il avait intérêt pour les affaires intellectuelles. Et donc, entre les deux guerres, il est parti en Lituanie pour enseigner le français aux Lituaniens. Alors, d'abord, il s'est marié avec une Lituanienne, et puis, il est resté pendant l'occupation allemande pour essayer de sauver un certain nombre de Lituaniens. Et il est resté quand les Soviétiques sont arrivés. Et les Soviétiques l'ont mis en prison. Et donc, il a publié beaucoup plus tard ses souvenirs sur la prison à l'époque soviétique en Lituanie. Enfin, il a réussi à s'en sortir. Il s'est récupéré en France. Et là, il s'est débrouillé. Il a quand même réussi, par chance, à être nommé prof à la Sorbonne. Mais prof à la Sorbonne de façon très étrange, parce qu'il ne se comportait pas de façon normale. Puisqu'en fait, il invitait des gens qui n'avaient aucun rapport avec la linguistique. Et notamment, il a fait des défilés de mode de Dior dans son cours. Et on lui a voté un blâme. L'université, la Sorbonne, lui a voté un blâme. En fait, il s'en foutait complètement. Mais c'est un des sémanticiens les plus intelligents que la France ait fabriqué. Bon, pareil, il a été totalement mis de côté. Guiraud a eu un poste de prof à Nice. Il est resté totalement dans son coin, totalement isolé. Bon, ouais, là, je crois que ça fait déjà une heure que je cause, c'est trop. Donc, c'est pour, si vous voulez, la conclusion pratique, c'est qu'on est tout le temps en train de recommencer. Parce que aucun, ni les historiens, ni les philologues, n'acceptent ce genre de perspective. Ça les gêne profondément, ça ne correspond pas du tout à leur façon de penser, ni à leur perspective. Alors, je ne parle pas des linguistes. Je n'ai pas évoqué un certain nombre de linguistes dont je pense vraiment pas beaucoup de bien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, eux, les linguistes, ils ne supportent pas. Quand ils entendent parler de ça, puis alors ils sortent un juron et ils sortent. Hein. L'idée que la langue a une évolution, l'idée que la langue est liée à la société, tout ça, les linguistes, c'est impossible, c'est absurde, ils montent au créneau, c'est... Faut pas insister, hein. Faut laisser rouler. Les cons sont cons, bon, passons. Alors voilà la situation. C'est-à-dire que la sémantique historique a une histoire ancienne, une histoire intéressante, il y a beaucoup de textes, mais qui sont complètement laissés de côté, complètement ignorés. Et tous les gens qui ont fait de la sémantique historique se sont trouvés mis sur le côté. Donc voilà, si vous voulez en faire, voyez ce qui vous attend. D'ailleurs, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Personne ne veut entendre parler de ce que je raconte. Mais ça ne m'empêche pas de survivre agréablement. Ouais, c'est une question de morale. Voilà. Alors, si vous avez des questions... Mais vous pouvez aller boire un café. Je commence par vous demander de développer la conclusion. Et François Rastier, par exemple ? Comment ? Et François Rastier, par exemple ? Ce brave garçon. Je pense qu'il est sympathique, il a bonne volonté. Je ne le connais pas personnellement. Il a tout de suite été intéressé par la mise en œuvre technique de cette jusqu'à un certain point. Ouais, oui. Non, mais ça fait partie effectivement de quelques-uns qui sont juste, qui se disent après tout, si on essayait tout ça, mais oh là là, ça a l'air compliqué. Bon. Alors, quelles seraient vos premières remarques, questions, demandes de précision, de digression sur les premiers ordinateurs ? Comment vous avez utilisé les premiers ordinateurs ? Vous n'êtes pas entré dans le détail de traitement informatique. Comment j'ai utilisé les premiers ordinateurs ? Oui, concrètement. J'ai acheté une machine qui m'a coûté fort cher à l'époque. En 83, je pouvais dire, j'ai acheté sur mes deniers. Une machine qui avait deux disquettes souples 364 et aucune mémoire fixe, il n'y avait pas de disque interne. Et donc il fallait jouer sur les deux disques souples de 360 et la mémoire centrale c'était 640K. Et avec ça, on m'avait fourni en tout et pour tout un basique. Donc j'ai appris à fonctionner ça comme ça. Voilà. tout seul. J'ai pris le manuel, et puis j'ai commencé à... J'avais fait quelques programmes en petit, en machin, en langage machine sur une petite calculette. Là, j'étais beaucoup plus à l'aise. Donc j'ai trouvé ça très bien. Puis ça a progressivement augmenté. Est-ce qu'il y avait une communauté? Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous pouviez parler de... Ouais, il y avait un ou deux. Il y en avait un ou deux. Il y avait le nommé Ezio Ornato, que certains connaissent. Il était un peu comme moi. Ouais. On utilisait les mêmes machines. Alors, plus de ça, lui, il était encore meilleur que moi comme pirate. Donc on échangeait beaucoup les programmes. Puis on discutait statistiques, parce que lui a aussi des notions de statistiques sur l'histoire médiévale, sur le livre au Moyen-Âge, comment on compte, qu'est-ce qu'on fait. Autrement, il n'y avait pas beaucoup. Hein. Si, alors, il y a Cibois, Philippe Cibois, qui a eu pour moi un rôle très important. Philippe Cibois, vraiment quelqu'un de très, très, très ouvert, très sympathique, qui distribuait les programmes au fur et à mesure qu'ils écrivaient et les donnaient, et à qui j'ai appris l'analyse factorielle. Ça, c'est pour moi aussi un point très important. J'ai une grande estime, une grande reconnaissance, Philippe Cibois. Et puis, il a mis au point les problèmes, les questions de formalisation, de corpus. Bon, lui, c'était un sociologue, donc c'était les enquêtes. Mais moi, je me suis rendu compte rapidement que le système qu'il a mis au point pour traiter les enquêtes pouvait s'appliquer à n'importe quel corpus. Et j'en ai discuté beaucoup avec lui, quelqu'un de très bien. Ouais. Celui qui s'occupe de Trideux. Hein ? Il s'occupe de Trideux. Oui, c'est Trideux. Trideux. Trideux, voilà. Vous connaissez ? Ouais. Oh. J'avais un enseignant de sociologie à Tours qui bossait avec Cibois sur Trideux. Parfait. Ça, très bien, très bien. Et du coup, moi, ma question, quelque part, ça viendrait de mon cursus sociologique, c'est pourquoi ça passe pas ? Pourquoi ? Pourquoi ça passe pas ? Pourquoi cette information comme quoi la langue qu'on parle modèle quelque part d'une certaine façon la pensée, pourquoi ça passe pas ? Qu'est-ce qui fait ? Il y a bien une raison positive. Ouais, si vous avez une solution, dites-la. Hein. Moi, j'entends qu'on m'explique. Je m'étais pas trop préoccupé sur la question, mais je me suis rendu compte déjà qu'en anthropologie, l'hypothèse Sapir-Whorf, les gens sont frileux encore. Ah bah oui, c'est un euphémisme. Hein. Parce qu'il y a, l'hypothèse... Ils l'ont séparé en deux en disant l'hypothèse forte et l'hypothèse faible, et l'hypothèse forte, ils n'en veulent pas. Ah, c'est sûr. Exactement. Et je comprends pas. Moi, j'avais fait cette... En fait, quand j'ai découvert Sapir-Whorf, je me suis dit, c'est évident. C'est évident, parce que j'ai grandi en Grèce jusqu'à mes 3 ans. J'ai appris le grec en le parlant. Mais j'ai grandi toute ma jeunesse en France. Et du coup, j'ai eu les deux langues qui ont communiqué entre elles. Je me suis rendu compte, parfois, en allant en Grèce, que je me mettais à penser en grec. Et que quand je pensais en grec, je pensais pas pareil. Exactement. Exactement. Ce qui fait que moi, quand... Je me mets à réfléchir abstraitement, je finis par penser en allemand. Et je me mets à parler en allemand. Alors les gens disent, mais attends, arrête, parle en français. Parce que, évidemment, mon allemand est assez médiocre. Mais... Voilà. Donc du coup, moi, ça m'a parlé tout de suite et je ne comprenais pas cette résistance, ni en anthropologie. Alors je ne sais pas, sans doute, c'est... Ça appelle à des comparaisons qui font écho à des trucs problématiques, en tout cas en anthropologie. Différence entre les cultures, une hiérarchie entre les langues, ça on ne va pas trop aimer. Mais sinon, en linguistique, je ne sais pas du tout pourquoi. Peut-être c'est académique, je ne sais pas. Oui, Jacob, c'est toutes les retombées aussi de la linguistique chomskienne qui fait que. Même si elle n'est pas arrivée de la même manière en France, c'est un courant de pensée qui retourne à l'universalisme et qui est politiquement correct. Oui, bien sûr. Voilà, facilement. Alors, moi, je me demandais précisément, c'est tout de même basé sur le refus, au moins à un certain degré, de l'hypothèse d'altérité des sociétés précapitalistes. Les gens disent, c'est pas si différent que ça. Alors, la question que j'aurais voulu poser à Alain, mais ça revient un peu au même, c'est pourquoi, en définitive, les collègues rejettent l'hypothèse d'altérité ? Pourquoi ils sont contre le fait que les sociétés sont différentes ? Parce que c'est un peu ça, c'est ça la base, ouais. Même Vernon, en histoire grecque, a eu du mal à faire passer l'idée. Ah oui, non, Vernon n'a pas été accepté. Ah, il a sa niche. Voilà. Vous y êtes. Il a sa niche. Oui. Il y a son petit groupe. Ouais. Enfin, ce petit groupe n'a pas occupé tout le terrain. Hein. Mais c'était aussi une question que je voulais soulever, parce qu'il y a beaucoup de similarités dans vos parcours aussi. Et en revanche, lui, en insistant sur l'idée d'altérité, en introduisant de la sociologie et de l'anthropologie dans ses travaux, n'a pas eu de perspective technique finalement. Et fondamentalement, il y a une anecdote que j'entends souvent citer, qui est la phrase de Vernon sur la méthode. Qu'est-ce que c'est que la méthode ? C'est quand on a fini de travailler, on se retourne et c'est le chemin parcouru. Ce qui est un joli travail sur l'étymologie du mot méthode, mais qui en même temps pose un énorme problème. Théoriquement, ça ne tient pas du tout. Donc tout ce qu'il a fait est stimulant, mais on en est réduit à dire soit vous intégrez à un groupe de travail pendant 10 ans, soit on n'a rien à vous proposer. Bon, c'est le discours, ça, c'est le discours. Mais... Le structuralisme lévi-straussien, c'est la même chose. C'est à force de pratiquer, je crois, qu'on comprend comment ça fonctionne. Mais ça ne peut pas s'apprendre. Ça ne suffit pas. Mais il faut, c'est pas simplement pratiquer, il faut réfléchir. Il faut, ce que la plupart des historiens ne veulent pas admettre, c'est qu'il faut réfléchir abstraitement. Chez les historiens, c'est interdit. La réflexion abstraite, c'est pas chez nous, c'est chez les philosophes. Donc moi, je suis considéré soit comme un philosophe, soit comme un statisticien ou un technicien, enfin, type qui fait chier le monde, quoi. On est contaminé en sociologie aussi par cette dynamique du refus de l'abstrait. Ah, le refus absolu de la pensée abstraite chez les historiens. Bah, en sociaux, on a des gens comme ça aussi. C'est assez... Est-ce que là, fondamentalement, votre position, c'est pas tout simplement de dire que les sciences humaines et les sciences sociales ont une unité? Jusqu'à un certain point seulement. Parce que, si vous voulez, Si vous voulez, moi, ce qui m'exaspère, c'est la balkanisation de l'affaire. Mm-hmm. Il devrait y avoir qu'une seule manière d'aborder la société, à la fois historique et sociologique. Autrement, je vois pas. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle linguistique, la psychologie, les sciences économiques, tout ça, c'est zéro. C'est un dogmatisme lamentable, boniment de l'idéologie à l'état pur. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Laisser rouler. Moi, je laisse rouler. Hein. J'essaye de faire avancer mes affaires, et puis, bon... Je suis pas sûr qu'on puisse faire grand-chose, hein. Est-ce qu'on peut quand même essayer de former des étudiants? C'est ce que j'ai... Tu as demandé « Wo ist der Nachwuchs ?» Mm-hmm. Oui. Et la réponse... lente. Meubli. Wahrscheinlich. Bien. Surtout chez nous, en Allemagne, nous avons le problème que les historiens ne sont pas formés de manière qu'ils savent traiter des problèmes avec un ordinateur. Donc, soit on est technicien, soit on est philologue, mais on n'est pas technicien et philologue. Ça n'existe pas. Dans les années 70, il y avait une ouverture des historiens vers la sociologie. On a essayé de appliquer les méthodes statistiques, mais ça s'est arrêté avec le changement du paradigme, parce qu'on a tourné vers une histoire culturelle dans les années 90, et maintenant on n'a pas vraiment essayé de retourner à une histoire qui emploie des méthodes utilisées par les sciences sociales. Donc on essaye encore de faire d'autres choses, et surtout en fait on utilise des idées de la Bildwissenschaft, de l'iconologie, et là en fait ça reste tous dans le domaine de l'interprétation. On voit quelque chose et on va l'interpréter, mais on ne va pas abstraire et pour comparer avec des abstractions. Est-ce que vous connaissez les travaux de Peter Haber? Peter Haber, qui est décédé il y a quelques années. Mmh. C'est quelqu'un qui était autrichien d'origine, et qui a même écrit un manuel d'histoire, mais c'est du côté des contemporanéistes, en tout cas des modernistes. Comment il s'appelle ? Peter Haber. Haber. Haber. Mmh. Et il y a toute toute une revue aussi de rapprochement d'histoire et de la sociologie. Le nom exact de la revue m'échappe maintenant. Donc, il y a eu des tentatives, mais je crois que, voilà, plutôt, exactement. Ah, d'accord. Et je ne crois pas que ça ait beaucoup diffusé dans les domaines d'érudition, pour prendre la distinction habituelle. Jamais très favorable pour les érudits. Mais est-ce que c'est pas le... On a beaucoup plus discuté sur les questions, comment utiliser les méthodes d'une analytique des discours dans le domaine d'histoire sémantique, comment en fait faire les liens entre la linguistique, la philosophie avec les idées foucauldiennes et l'histoire. Et, ça, c'était un peu le champ de travail dans les dernières 10 ans, je dirais. Mm-hmm. Pour revenir un peu sur la question de la formation, alors j'ai l'impression que ce domaine est encore plus complexe pour former des étudiants, puisque ça c'est pas seulement une question de formation technique, où effectivement maintenant des formations qui apprennent à coder, etc., ou à encoder des textes, il commence à en avoir pas mal, et ça commence à être plus répandu. Il y a aussi une question mathématique qui peut peut-être intervenir aussi, puisqu'il n'y a pas que savoir utiliser l'analyse. Ça, si tu veux, la technique numérique, ça s'apprend assez facilement, surtout qu'en fait, c'est plutôt c'est des manières de procéder qui ne sont pas justifiables mathématiquement pour les raisons que j'ai expliquées. Bon, non, ce qui est difficile, c'est la pensée abstraite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les résultats, qu'on a un graphique, etc., le graphique ne dit rien du tout. C'est la personne qui est devant qui comprend ce que ça veut dire ou qui ne comprend pas. C'est-à-dire, ce qui est fondamental, c'est que les nouvelles techniques ne viennent pas à la place des anciennes. Elles viennent en plus. Si vous n'êtes pas bon historien et bon philologue, ce n'est pas la peine de vous lancer dans la programmation, machin. Ça ne sert à rien. Il faut tout. C'est-à-dire qu'il en faut de plus en plus. Il faut maîtriser toute une série de domaines. Et c'est pour ça, quand tu regardes mes bibliographies, effectivement, je vais taper dans tout un tas de domaines différents, complètement différents. Et c'est en essayant de tout remettre ensemble que les choses commencent à se clarifier. Et si j'ai réussi à dater les églises romanes, c'est parce que je suis allé voir dans tout un tas de autres domaines et que j'ai essayé de faire des relations que personne n'avait jamais essayé de faire. Du coup, j'ai compris certaines logiques. Et si on prend cet exemple-là, est-ce que ça, c'est une méthode ? Laquelle ? La procédure utilisée, développée au fil des années, pour dater les églises romanes. Ah, ça, la datation des églises romanes, oui, d'ailleurs, je... Est-ce que ça, c'est une méthode qui est enseignable, publiable ? Oui, jusqu'à un certain point, oui. D'ailleurs, maintenant, il y a des étudiantes qui viennent me voir, me disant « Ah oui, moi, je travaille sur les églises à tel bled, tout ça, machin, qu'est-ce que je peux faire ?» etc. Bon. Alors, j'explique. Ou c'est les gens qui ont un corpus d'images, qui veulent formaliser, mettre de l'ordre dedans. Je l'explique. Ça s'explique, c'est pas très très long. Hein. Il suffit d'une journée. Et ça, c'était par les textes. Hein? La datation. Oui. C'est aussi en rapport avec les textes. Ben, il y a un rapport entre les chartes. C'était mon idée de base. C'est qu'entre les chartes de Cluny, il y en a 5000. Et les églises, il y en a dans la zone, il y en a 150. Il y avait forcément une relation. Et donc, j'ai réussi à maîtriser les deux et à mettre de l'ordre. Et il y a toujours maintenant les gens qui s'occupent des chartes, les gens qui s'occupent des églises romanes, et on ne fait jamais le lien. Et donc, moi, quand je parle devant les historiens de l'art, ils ne comprennent pas ce que je raconte sur les chartes. Et réciproquement, quand je parle devant les diplomatistes, ils ne comprennent pas pourquoi je parle des églises. Tant pis, c'est comme ça. Et quand... Oui, juste une question sur ça, parce que... Quand vous travaillez sur l'architecture, oui, ou l'iconographie, etc., tout ça passe à l'état de données, de base de données, et c'est un travail plus ou similaire moins. Plus ou moins. À ce qu'on fait sur les textes, ou est-ce qu'il y a aussi un aspect visuel, enfin quelque chose qui soit... Il y a forcément les deux, c'est-à-dire que c'est sûr que maintenant avec l'informatique, quand je regarde une église, jadis, je regardais, je faisais 2 diapos, 3 diapos, et ça coûtait cher. Aujourd'hui, j'arrive, je prends mon truc, je fais 200 photos. J'ai un laser, je sors mon laser, je prends les mesures, je fais le plan en un quart d'heure. J'ai un papier avec toutes les dimensions sur lesquelles je peux faire de la métrologie. Ça, c'est quelque chose, il y a 15 ans, ça n'existait pas. Donc ça ouvre des perspectives inimaginables. Inimaginables. Et donc, pour la sémantique, j'ai 140 millions de mots latins sur ma machine. Donc c'est des perspectives, il y a des dizaines d'années de travail pour des centaines d'étudiants. Et, bon, je ne veux pas faire la conclusion que je devais théoriquement faire à 4 heures, mais 3 heures, c'est... si on prend au sérieux ces questions sémantiques historiques, c'est un bouleversement à 100% de toute la méthode historique. Rien de moins. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a du freinage. Hein. Il y a du... ça freine. C'est, c'est pas ça qui fait justement bloquer la réception de... Bon, alors, j'ai quand même la dernière demi-heure qui me reste, ici, de reprendre les choses de façon un peu plus synthétique, un peu moins chronologique. Au fond, il me semble que la question qui est posée depuis Friedrich August Wolff, finalement, c'est la relation entre les textes et société. Alors, on peut présenter les choses en disant c'est la relation entre langue et société. D'ailleurs, c'est généralement comme ça que c'est présenté. Problème, qu'est-ce que c'est qu'une langue? Je n'en sais rien. Et qu'est-ce que c'est qu'une société? Je ne serais pas trop capable non plus de le définir. D'ailleurs, comme vous savez, la notion de langue, lingua, ça c'est un terme qui remonte à l'Antiquité. La notion de société, ça n'apparaît pas avant 1840. Ce qui, pour un médiéviste, est une question clé, Thomas d'Aquin, qui avait une vision ultra-rationaliste des choses, ne pouvait pas penser en termes de société. Ce qui, pour nous, est quelque chose de fondamental. Tout le monde pense en termes plus ou moins de société. Quand on parle de société, personne ne pose de questions. Tout le monde a une idée de ce que c'est. Il faut voir qu'au XIIIe siècle, cette idée était impossible. Alors comment il faisait pour penser la totalité? Bon, il pensait en termes de Dieu, Deus, Trinitas. La totalité, c'était la Trinité. Ce qui fait que moi, j'ai élaboré une théorie sociologique, enfin historico-machin, de la Trinité. Qu'est-ce que signifie la Trinité comme analyse de la société? Et ça marche très bien. Bon, heureusement, on rigole un peu. Alors, de toute façon, langue et société, je ne veux pas en entendre parler. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Parce que ça évacue le point central, qui est que si toutes ces choses-là, elles bougent. Une société stable, ça n'existe pas. Une langue stable, ça n'existe pas. Et ça ne peut pas exister. Il n'y a pas de société humaine stable, jamais. Depuis la préhistoire, aussi longtemps, aussi loin que remontent nos connaissances, depuis le paléolithique, on ne cesse de voir des changements. Alors, quand même. Et quand on étudie des langues, vous savez ça beaucoup mieux que moi, on observe aussi en permanence des changements. Même si elles ont l'air très très fixées, pourquoi chaque année dans le Petit Robert, il y a des nouveaux termes qui apparaissent et d'autres qui disparaissent? Alors, ces gens-là, ils ne sont pas théoriciens, mais ils savent pratiquement qu'il faut rajouter, enlever, que donc ça change. Pas de la réforme de l'orthographe. En Allemagne, c'est pire qu'en France. Bon, enfin bref. Donc il faut parler, je pense, enfin, il me semble, il faut parler de structure en mouvement, de processus. Et là, évidemment, je me fais accuser par ceux qui savent, hegelianisme, process. Die Hauptsache heißt process. C'est clair que c'est Hegel qui a mis ça au point. Hein. Tant pis, c'est comme ça. Et donc, il y a des processus, des transformations de l'usage linguistique, et il y a des transformations de la société, et des transformations de l'organisation sociale. Donc il faut penser en termes de dynamique et de relations entre une dynamique globale de la société et ce qui peut-être être considéré comme une dynamique des langues. Mais ce n'est pas évident du tout. Et donc c'est là qu'on vraiment... Enfin, moi, c'est dans ce cadre que je pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que la pratique lexicale et la pratique langagière au sein d'une société. Et là, on tombe automatiquement, presque automatiquement, sur le problème de Trier et de Humboldt, qui est... quelle relation existe entre les mots, la façon dont ils emploient et la manière dont on se représente les choses. Et ça, c'est l'idée centrale et, à mon avis, fondamentale de Trier, c'est qu'il y a trois éléments, il n'y en a pas deux. Il y a ce qu'il appelle Die Welt, qui est le monde, la société, tout ce que vous voudrez, qui est en fait la chose, l'ontologie, comme dit Lukács. Et là-dessus, il y a un élément qui est invisible, qui n'est pas observable, mais qui est essentiel, qui est le système de représentation. Donc quand on parle de Sinnbezirk, c'est ça. Et puis il y a par-dessus les mots et les phrases et les textes. Et ça, c'est le champ lexical. Sprach, non, Wortfeld. Donc il y a Wortfeld, Sinnbezirk. Et donc tout le problème pour la sémantique historique, c'est passe d'abord par cette question insoluble. Quel est le rapport entre les structures proprement sémantiques, qui sont abstraites, pas observables, et les structures du lexique? La seule chose qu'on peut étudier, c'est les structures du lexique, des textes, des mots qui arrivent. Et ensuite, il faut un énorme effort d'abstraction pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la représentation. D'ailleurs, en pratique, on voit apparaître dans les chartes en 1030 un mot, pas avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est apparu? Une nouvelle relation sociale? Est-ce que la représentation des choses a changé? Ou est-ce que finalement rien n'a changé sauf qu'il y a un mot nouveau? Je peux vous dire qu'il y a des historiens qui considèrent, de toute façon les mots changent mais c'est toujours la même chose. Et c'est vrai que dans certains cas, on ne voit pas bien, on comprend, on voit bien qu'il y a un mot qui change mais on ne voit pas trop à quoi ça correspond. Peut-être. Alors il y a des gens qui vous disent, moi, à l'école des chartes, c'était toujours la mode. Ah, c'est une mode. C'est une mode. C'est une mode. Ah ben, la mode a changé. Facile. Hein. Mais une fois sur 10, c'est peut-être bien quand même la solution. Parce que effectivement, les fils ne veulent pas parler comme les pères. Il y a un problème de à la fois d'inertie et de renouvellement au sein de toute société, même les sociétés qui ont l'air complètement bloquées. Bref. Alors, de toute manière, l'idée, pour moi, l'idée centrale, c'est que il y a une globalité que j'appelle la société, et il y a un élément dans cette globalité qui est la pratique langagière. C'est-à-dire que le langage, la parole au sens de machin, là, c'est un processus social à l'intérieur de l'ensemble des processus sociaux. Donc en réalité, on ne connaît pour l'histoire que les éléments certains éléments qui ont résulté de ce processus, qui ont donc des choses qui ont été écrites. Et avec ça, il faut reconstituer à la fois la parole réelle et toute la structure sociale. Et est-ce que c'est possible? En pratique, on y arrive. On peut essayer. En tout cas, ça vaut la peine, c'est rigolo. De toute façon, il y a quand même des objets, heureusement, qui sont à côté. Vous avez les objets archéologiques, il y en a de plus en plus, ils sont de plus en plus intéressants. Et puis vous avez les bâtiments aussi. Un cas qui a été, il y a un article de d'Anita, ma femme, qui a été publié dans les annales il y a longtemps, donc vous trouvez sur Internet, qui est sur... la nourriture dans les romans arthuriens. Les romans arthuriens, ceux qui savent ce que c'est, décrivent des grands repas. Il y a des descriptions qui ont un air pratique de tout un tas de chevaliers autour d'une table et en train de manger. Et qu'est-ce qu'il y a sur la table? Qu'est-ce qu'ils boivent? Et ainsi de suite. Et donc jusqu'à présent, jusqu'à il y a 25 ou 30 ans, on a considéré que c'est une description de ce qu'il y avait sur la table. Sauf que, maintenant, il y a les archéologues qui sont allés regarder dans les dépotoirs qu'est-ce qu'on trouve. Eh bien, on ne trouve pas du tout la même chose. C'est-à-dire, en particulier, on trouve très, très peu d'os de gibier. Et même sur les dépotoirs aristocratiques. Dans les dépotoirs aristocratiques, les os de gibier ne font pas 3%. Alors, si on lit les romans arthuriens, c'est 80%. Cet article, franchement, c'est rigolo, c'est facile à lire. Personne ne l'a jamais cité. Pourtant, dans les annales. Ouais, ouais. Et là, on voit l'écart entre des textes qui parlent de quelque chose, qui ont l'air de donner des informations, qui d'ailleurs en donnent, parce que ça veut dire que dans la représentation, les objets de la chasse tenaient un rôle central. Ça, c'est incontestable. C'est-à-dire, la différence qui existe entre ce qu'ils mangeaient réellement, c'est du cochon et de la vache, comme tout le monde, et la manière dont ils se représentaient la valeur des choses à consommer. Et quand je dis vinéa, ça ne veut pas dire vigne, les gens me honnissent. Mais c'est comme ça. Vinum, ça ne veut pas dire le vin. Parce que si on commence comme ça, ça s'arrête tout de suite. Le vin au Moyen-Âge, vinum, ça a référence à toute une structure de représentation. D'ailleurs, si on continue, nous, à consommer beaucoup de vin, c'est aussi un héritage d'une certaine type, certaine forme de représentation sociale, ça a une valeur, etc. Alors, quels sont les caractères propres de la sémantique historique par rapport à la sémantique générale, si on peut dire ? Qui est quelque chose... Bon, alors ça, c'est pratique. C'est que, comme nous l'a fait remarquer récemment un collègue polonais, ils ont créé un corpus où il y a 3 milliards de mots, de polonais contemporains. Assez vite, sans trop de difficultés. Bon, on ne fera jamais un corpus de 3 milliards de mots médiévaux, même en prenant tout, quasiment ce qu'on trouve. Enfin, en tout cas, ce serait vraiment une limite. Donc, en fait, on a des textes qui sont purement écrits. On n'a pas, on peut pas entendre. Qui est gênant quand même. Et donc, on n'a pas tout ce qui entoure les phénomènes de parole, les gestuels, le contexte social et tout ça. Pchit, on ne connaît pas. Et d'autre part, c'est limité. C'est-à-dire qu'il y a les textes qui sont là et on n'en fera pas d'autres. Il risque juste qu'il y en ait qui disparaissent. Si un dépôt d'archives brûle, il y a des textes qui disparaissent définitivement. Donc, en fait, on a un stock maximal qui est, pour les périodes anciennes, quand même pas extrêmement élevé. Hein, puisque pour le latin, je pense qu'on ne passera pas 6 ou 7 millions de mots, en tout et pour tout, toute la littérature latine connue. C'est pas beaucoup. C'est même très peu. Une observation simple. Je me suis fait un corpus de latin antique. J'ai ramassé absolument tout, et tout est numérisé en latin antique à peu près. Donc j'obtiens 6 millions de tokens à peu près, 6 millions et demi. Le corpus d'Augustin, les textes d'Augustin, il y en a autant. Ce qui veut dire, quand on nous raconte que les moines ont préservé la culture antique, tiens mon œil, ils ont gardé davantage, plus ils ont plus gardé Augustin que n'importe quel auteur antique, puisqu'il y a un corpus d'Augustin lui seul, équivalent à toute la littérature antique. Et le corpus de Saint Thomas, c'est 2,5 fois la littérature antique. Ça, c'est très bête, mais ça peut quand même déjà donner à éviter de dire des bêtises. Éviter de dire les moines, heureusement, ont sauvé le latin. Bon, ouais, ils en ont sauvé les petits morceaux, mais franchement, ils n'ont pas fait d'effort. Hein. En fait, alors, la question, pourquoi est-ce que tout ça passe pas ? Il y a une première réponse historique, c'est à cause des jésuites. Les jésuites ont joué un rôle clé dans l'histoire de l'éducation en Europe. Ils ont créé le collège de jésuites au XVIIe siècle. Et ça, tous les gymnasiens, tous les lycées, tout ci, tout ça, c'est tout des collèges jésuites prolongés. C'est ainsi, c'est pas autrement. C'est eux qui ont mis au point les programmes qui ont fonctionné au moins, et ce n'est variétude, jusqu'en 1914, et qui ont évolué très lentement depuis. Donc l'enseignement du latin, en particulier, qui était fondamental chez les jésuites, a été défini, une norme du latin a été définie par les jésuites à la fin du XVIIe. Voilà le latin qu'on doit enseigner dans les classes. Et c'est ça qui est devenu le latin classique. Quand on parle de latin classique, c'est le latin des jésuites. Ce que très peu de gens savent. C'est dommage. Et par-dessus ça, ils ont construit deux exercices que vous connaissez malheureusement sans doute. la version et le thème latin. Bon, je ne veux pas en dire du mal, puisque j'avais toujours très bonnes notes, mais qui m'ont permis de faire passer des examens assez facilement. Bon. Mais c'est surréaliste, puisqu'en réalité, faire un thème latin, moi j'ai appris ça dans les années 60, donc traduire, soi-disant, enfin, faire en latin un texte de Montesquieu, de La Fontaine, alors évidemment, quand il faut traduire le jambon, Maître Renard, enfin bon, oulala. Alors on prend Phèdre, oula, on se dit là, il y a Phèdre, alors on va essayer de faire copier. C'est quoi? C'est se foutre du monde, ça n'a aucun sens. Grotesque. Mais tous les profs de latin, ils y croient dur comme fer. Et c'est pas moyen de leur expliquer que c'est de la rigolade. Ils prennent ça au sérieux. Alors si on le fait à la rigolade, bon, ça va. Je suis pas contre. Mais à condition de le faire en sachant ce qu'on fait. Et en sachant qu'on fait une grosse rigolade. C'est moi, je suis toujours partisan de la grosse rigolade. C'est un sport. Je pas tout à fait cette conception du sport, mais bon. Et alors, le thème, c'est drôle, très drôle, c'est pour ça que j'étais très bon, mais la version, le paradigme de la version latine, pour moi, c'est ça l'ennemi. S'imaginer et faire croire vraiment à tous les lycéens qu'on peut traduire César en allemand ou en français, et qu'on va obtenir un texte en français, ou en allemand, ou en italien, équivalent au texte de César, comme ça. Et on est noté là-dessus. Et donc on peut avoir 18 sur 20, parce qu'on a bien compris le texte de César. Comment voulez-vous envisager la sémantique historique si vous acceptez cette idée? Si vous ne rejetez pas, mais consciemment et de façon cohérente et construite, le paradigme de la version latine. C'est pas possible. Le paradigme de la version latine, pour l'instant, est assez difficile à attaquer. Mais je vois pas qu'on puisse y échapper. Et donc, moi, quand je dis on peut pas traduire, on peut pas traduire, de toute façon, le latin, traduire le latin, c'est stupide. Alors forcément, tous les profs de latin et tous les collègues dont tout le métier consiste à traduire, ils m'en veulent à mort. Ils disent, ce mec-là, il est dangereux, il fait tomber le métier, une ordure. Comment peut-on dire que le latin n'est pas traduisible? C'est pas possible. Bien sûr qu'on peut traduire. Alors, la question, c'est qu'effectivement, on peut traduire. D'ailleurs, on peut mettre des mots les uns derrière les autres dans un ordre à peu près cohérent, respecter la syntaxe, enfin bref, c'est ça. Maintenant, une fois que vous avez ça, qu'est-ce que vous avez? Moi, à mon avis, c'est utile de demander quand même aux gens de donner une trad. Parce que quand on a la traduction, et très souvent les collègues médiévistes, ils ont la faiblesse de donner une traduction dans le bas de page, c'est là qu'on se rend compte qu'ils n'ont rien compris. Ils ont fait une construction toute de travers. Ils ont pris un nominatif pluriel pour adjectif singulier ou l'inverse, enfin bref. Et les médiévistes français ne savent pas le latin. Et donc ils se trompent une fois sur trois. Et donc moi j'ai toute une anthologie d'erreurs absolument monumentales. Écoutez, ouais, non tant pis, je suis enregistré, je ne peux pas le dire. Je vous dirai ça ensuite. Alors, mais il y a des gens qui font une carrière sur un contresens. Hein. Mais je dirais que c'est une fonction de la traduction dans les éditions, par exemple, que de montrer... Qu'on a à peu près fait la construction. Ce qu'on a compris. La construction. De montrer ce qu'on a compris. Il y a beaucoup d'éditions de textes... On n'a pas compris, mais on a fait la construction. Ils ne sont jamais accompagnés de traduction dans le monde anglophone ou germanophone. Et... Par moment, on ne sait pas ce que l'éditeur a compris, ce qui est aussi un vrai problème. Et alors, il y a deux cas particuliers que je trouve très intéressants. Il y a d'une part une observation de Umberto Eco dans sa thèse sur l'esthétique de Saint Thomas. C'est une assez bonne thèse, traduite en français, enfin l'italien, c'est pas compliqué. Et il a observé que, en fait, Thomas d'Aquin utilise, pour comprendre, pour lire Aristote, il utilise uniquement Guillaume de Meurbeck, et qui s'imagine que Aristote et Guillaume de Meurbeck, c'est la même chose. Et donc, en particulier, il se pose des questions sur des distinctions qu'on trouve chez Guillaume de Meurbeck, et qui, en réalité, sont le même mot grec. C'est-à-dire que logos, o logos, chez Aristote, Guillaume de Meurbeck traduit de trois manières différentes. Et saint Thomas se demande pourquoi il y a tel ou tel mot différent, alors qu'en réalité, c'est le même mot chez Aristote. C'est ça, la traduction. C'est-à-dire qu'on est toujours amené à faire des où on rassemble, où on distingue, parce qu'effectivement, les deux langues n'ont pas la même forme d'organisation. Mais du coup, la logique même de l'exposé n'est pas la même. Et alors, moi, du coup, écoutez, j'ai pris récemment on appelle ça le DKLO, le Périuranou de d'Aristote. C'est surréaliste, d'ailleurs, comme explication du ciel. Et, bon, pour aller plus vite, j'utilise la trad. J'ai abusé, pourquoi pas. Et puis, chaque fois que je trouve un mot, ça, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a en face ? Ah ! Et alors, le pire, c'est que le traducteur, il s'est pas gêné. Il a fait un petit lexique à la fin, des mots philosophiques. Et en face de chaque mot grec, il y a trois équivalents ou quatre équivalents français qu'il a utilisés, comme ça. À quoi ça rime, la trad ? Ça n'a rien à voir. Vous venez de dire que rechercher l'équivalence était illusoire. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent, puisqu'en réalité, le même mot grec subsume un ensemble, toute une structure que la traduction découpe. Oui. Il n'y a pas moyen, on ne peut pas. De ce point de vue, le glossaire est honnête. Le glossaire qui regroupe toutes les façons de comprendre qu'on a rencontrées dans le texte est en quelque sorte une mémoire de ce champ. Ouais, à condition que le lecteur connaisse le glossaire et s'y reporte tout le temps, ce qu'il ne fait jamais. Il se contente de lire le texte français à toute vitesse, prendre quelques notes, souligner, et hop, et Aristote dit ci, Aristote dit ça. Ça, c'est le premier. Et alors, un truc beaucoup plus chouette, il y a quelques années, c'est à München, et puis ça a circulé, une exposition qui s'appelait Bunte Götter. Très intéressante, pour montrer que les statues grecques, romaines aussi, elles étaient entièrement peintes. D'ailleurs, là, c'est l'exposition qui consiste à montrer par quelle méthode on peut démontrer qu'elles étaient peintes, puisque en particulier avec l'éclairage ultraviolet puissant permet de faire apparaître les formes peintes sur des statues grecques. C'est génial. Il n'y a pas de doute possible. D'ailleurs, au XIXe siècle, les gens le savaient, les statues grecques, elles étaient toutes peintes. Donc, il y avait des jolis joues roses, des cheveux blonds ou châtains, ou ce que vous voudrez. Et puis, ils avaient toutes les fringues étaient multicolores. Bon. Mais comme vous savez certainement, c'est totalement l'inverse de ce que tout le monde imagine, ces statues en marbre, le paros, bon, hop. Or, il y a une petite Allemande, Mariol, qui s'est tapée de chercher tous les textes grecs et latins, où il est question de statues, avec éventuellement une indication de couleur. Et elle en a trouvé une vingtaine. Et elle a regardé les traductions. Et elle les donne. Et donc, tous les traducteurs se sont débrouillés pour faire disparaître la couleur. Donc, si vous lisez la traduction, vous avez l'impression que les statues grecques, elles étaient blanches. Parce que les traducteurs, ils n'ont rien compris. Et parce que ils n'imaginaient pas, le philologue lambda, là, comme ça, ils s'imaginaient pas, ou ils n'avaient pas, on ne leur avait pas expliqué, que les statues grecques, elles étaient en couleur. Donc pour eux, ce n'est pas possible qu'elles aient été en couleur. Donc ils se sont débrouillés pour torturer le texte latin ou le texte grec pour lui faire dire le contraire de ce qu'il dit. Il fallait aller voir Godard. Hein ? Il fallait aller voir Godard. Alors ça, c'est deux exemples. Thomas d'Aquin, les statues grecques. Ça semble une provocation esthétique, et en fait, c'est juste... Ce sont de véritables paradigmes. Dans les années 60. Et puis, alors, il y a le paradigme de la version latine. Mais le paradigme de la version latine, il repose sur un substrat de représentation globale, disons quasiment philosophique, voire quasiment, ou même un peu plus, métaphysique. J'ai le problème de savoir si les notions sont fixes. S'il y a des notions fixes. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue de croire à ce que raconte Platon ? Est-ce que les idées fixes de Platon, ça a un sens ? Eh ben, je peux vous dire que 95% de nos contemporains sont platoniciens. S'imagine qu'il y a des idées fixes qu'on trouve partout, depuis les origines de l'humanité jusqu'à maintenant, chez les Barouillas, chez les Papous, aussi bien qu'aux États-Unis. S'imagine. Et que donc on peut finalement tout traduire, puisqu'au fond, le stock d'idées, il est fixé une fois pour toutes. Il n'y a pas d'autre représentation que celle qui existe depuis l'origine des temps. C'est vrai, mais Platon, il considérait que cette idée, c'était la condition de la philosophie. Et il considérait que c'était le socle pour bâtir toute pensée. Ouais, certaines formes de pensée. Parce qu'il y a quand même des philosophes qui se sont aperçus que ça ne pouvait pas coller comme ça et qu'on pouvait penser les choses en évolution. Ah, si vous prenez Blumenberg, c'est clair que toute sa pensée consiste à montrer qu'il est philosophe, autant que je sache, ou Flash, Kurt Flash, dont tout l'effort consiste à montrer justement que ce n'est pas fixe et qu'il n'y a pas deux auteurs qui utilisent les termes avec le même sens. Que ça se transforme et qu'il y a des moments où il y a des grandes transformations. La Die Genesis der kopernikanischen Welt, c'est pour montrer qu'est-ce qui était pensable en termes de cosmologie avant le XVIe siècle et ce qui ne l'était pas. Et pourquoi on ne pouvait pas penser le géocentrisme alors même qu'il y avait des auteurs grecs qui en avaient parlé. Donc ça, il y a quand même des historiens de la philosophie qui ne sont pas accrochés à l'idée des idées éternelles, quand même, heureusement. Cassirer, Blumenberg, des gens comme ça, Flash, si, c'est quand même une tradition allemande intéressante et importante. Toutes ces références-là sont celles des partisans du courant actuel de l'herméneutique aussi, qui reviennent à ces références-là. Et je pense en particulier pour l'Antiquité à l'école de Bollack. J'étais parti. Oui, mais Bollack en France. Oui, mais alors c'est intéressant parce qu'il était à Bâle, justement, donc il y a beaucoup de liens avec cette histoire que vous avez retracée, et le lien avec Cassirer est tout à fait évident. Alors, pour les textes, la question se pose très précisément, leur grande référence, c'est Schleiermacher. Schleiermacher, leur grande référence pour cette question de la pensée et des mots. Et l'obstacle que je vois toujours, c'est la mise en pratique et le bénéfice des bases de données et de l'automatisation dans ce cas-là. L'informatique, a priori, n'a pas rencontré ce courant de pensée-là. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est hétérogène. Alors que ce que vous voulez, c'est justement on peut, non, on peut parfaitement. Et pourtant, moi, il me semble que précisément, c'est l'informatique qui permet de montrer toute l'importance. Parce que si on fait si on modélise un réseau lexical de Vigne, pour le coup, et qu'on fait cela de Vinéa, là, on voit bien que ça ne marche pas. Donc pour le coup, je trouve que l'effet heuristique de l'informatique est total dans l'affaire, parce qu'on ne peut pas ne plus y croire. Parce que, de fait, on voit que les choses ne se ressemblent pas. Donc je pense que précisément, c'est l'informatique qui permet de faire passer le saut. Que ce soit Yost, Trier ou Cassirer en philo, ou d'autres en archéologie, bon, il y aurait toute une discussion à faire là-dessus, ou en toponymie, ils ont tous eu les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'ils avaient des idées, mais tous les facteurs, précisément, parce qu'ils n'avaient pas l'informatique, ils n'arrivaient pas à démontrer leur théorie. La théorie des champs sémantiques de Trier, il a l'idée, mais il ne peut pas démontrer. Cassirer, il a l'idée que les systèmes de représentation fonctionnent comme ça, mais il ne peut pas démontrer. Avec l'ordinateur, on peut démontrer que ces types avaient raison. C'est-à-dire que Trier lui-même dit « il faut calculer, il faut étudier les fréquences ». Donc à la fin des années 20. L'étude des fréquences... La limite de l'étude des fréquences, c'est que ça nous informe pas sur le contexte de... Bien sûr que si. Parce que si on fait un calcul de fréquence et qu'on a la totalité de la présence d'un mot dans un corpus, il peut avoir différents sens, il peut être convoqué... Mais c'est évident. Mais le problème, c'est que ça dépend des fréquences qu'on calcule. Si on calcule des co-occurrences, et c'est le floutis fondamental, c'est-à-dire les mots, les relations entre les mots. Or, avancées informatiques dans le traitement automatique des langues et les sous-tâches comme la reconnaissance des entités nommées et ce type de procédures permettent des nouvelles programmations permettent de contextualiser les mots, mais on s'éloigne d'un calcul de fréquence et on est obligé de faire un calcul de fréquence type Alceste, tous les logiciels. Les logiciels, vous pouvez les laisser de côté, il faut programmer vous-même. C'est ce que je dis, parce que le calcul de fréquence en lui-même, il limite la possibilité d'établir des contextualisations. On est obligé de mobiliser des sous-tâches du traitement automatique des langues pour arriver à... On rend explicite des choses. Enfin voilà, c'est important de s'entendre et moi de vous entendre aussi pour sortir un peu de mon isolement aussi et de pouvoir comprendre. Écoutez, donnez-moi votre adresse internet, quelques bouts de papier, je vous enverrai les exposés, enfin le canevas de l'exposé que j'ai fait lundi. Où je traite ce problème. Le problème du type de calcul qu'on peut faire, qui effectivement formalise et structure les contextes, c'est ça mon sujet. J'ai présenté ma méthodologie de traitement de corpus à l'École française de Rome au mois d'octobre. Ah oui. Et on m'a interpellé sur le fait qu'on a tenté de réduire mon propos à un calcul de fréquence. Non mais je tiens. Ouais, mais bon, les gens de l'École française de Rome, moi j'en connais un certain nombre, ils sont pas très mariables, hein, et ils sont surtout d'une prétention à faire tomber les murs. Non mais donc il faut les prendre comme ça. Non mais j'essaie. Il faut pas se laisser démonter. Hein. C'est normal qu'on essaie de faire passer les gens pluridisciplinaires pour des statisticiens, etc. Moi depuis mon master, on essaye de me faire passer pour un statisticien quand je présente des trucs de stats. Bon. Je ne suis pas statisticien du tout, ni programmeur, je suis historien. Enfin, j'essaye. Bon, c'est comme ça. Ah non, mais Nicolas, il se fait jeter partout aussi. C'est-à-dire que chez les diplomatistes, c'est comme à l'École française de Rome. J'ai quand même mon postdoc. Et à l'École des Chartes, n'en parlons pas, puisque j'avais créé un cours de statistique à l'École des Chartes, le directeur s'est empressé de le faire disparaître. Donc, si vous voulez, il y a une résistance invraisemblable. Donc, on vous envoie à la tête des phrases qui n'ont aucun rapport avec un argument. Et donc on prend un mot, puis on vous dit « Ah bah, il y a ça, bah, c'est tout. » Allez, qu'est-ce que ça veut dire, la fréquence? Vous savez ce que c'est qu'une fréquence? Vous calculez quelle fréquence? Si vous calculez une co-occurrence, c'est aussi une fréquence. Mais ensuite, vous avez toute une série de fréquences qui se combinent d'une certaine façon. Et vous pouvez faire des calculs d'une assez grande complexité et qui vont permettre de structurer proprement et visuellement les contextes. Enfin bon, c'est pas le sujet aujourd'hui théoriquement. Hein. Non mais ce qui est redoutable, c'est que ça revient à refonder. Hein? Ça revient à refonder les façons d'étudier le passé, tout simplement. C'était ça la conclusion. Alors attends. Non mais c'est, non, bah, je suis presque. Je suis presque à la conclusion. Là. Attention, il faut pas dépasser l'heure. Alors. Je vous ai apporté un petit manuel qui est standard aujourd'hui, j'ai l'impression, qui sert pour les études de premier cycle et tout, hein, pour les gens qui font un peu de philologie romane, enfin qui apprennent le français, je sais pas quoi, avec psychologie. Ben, je trouve qu'il est archétypique. Prenez la bibliographie, vous n'avez pas un seul titre utile. C'est tout égal à zéro. Et c'est ça qu'on appelle en France aujourd'hui la sémantique. Alors, si vous voulez, je ne connais pas ce collègue, il est certainement fort sympathique, je ne lui veux que du bien. Et il n'y a rien de vraiment faux dans son texte. Il n'y a rien de vraiment faux. On peut dire que même... Bon, il y a quelques endroits où j'ai mis un coup de crayon, conneries, bon. Mais... Globalement, il connaît quand même ce qu'on utilise habituellement. Bon, il va vous donner les principales relations sémantiques et tout. Enfin, tout le bazar habituel arrive dans un ordre plus ou moins aléatoire. Mais il n'a aucune idée du problème. C'est-à-dire de pourquoi on utilise tel mot et qu'est-ce que ça veut dire et est-ce qu'il y a un rapport avec un système de représentation ou avec une société? Ça, jamais. Pourquoi? Parce que la linguistique, quand vous avez affaire à un linguiste, quelqu'un qui ne jure que par Chomsky, Saussure falsifiée, hein, comme vous savez. Saussure a été totalement falsifié par les Américains. Saussure, c'est un sanskritiste. Il connaissait la linguistique la philologie indo-européenne. Meillet, quand il parle de Saussure, se réfère au cours de sanskrit. apparemment, il faisait un très bon cours de sanskrit. Donc, lui, il avait une notion de langue pratique. Quand on s'imagine que l'anglais seul, maîtrisé tant bien que mal, permet de comprendre n'importe quelle langue et n'importe quel phénomène linguistique, comme se l'imagine Chomsky, eh bien, on ne raconte que des conneries, et des conneries graves. Et les linguistes répètent les conneries de Chomsky du matin au soir, et ils ne veulent pas en sortir. Et si vous expliquez à un linguiste que la langue, comme ça, comme espèce d'entité abstraite qui se promène dans les terres, ça n'existe pas, là, il y a rupture, hein, dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Sinon, il y a combat. Ils ne peuvent pas supporter. Puis c'est incompatible. C'est-à-dire que la linguistique est incompatible avec la sémantique. Et avec la sémantique historique, encore pire. L'idée qu'une langue, c'est quelque chose qui se transforme, que ce n'est pas une structure pure qui serait là, comme ça. Bon, c'est pour ça, quelqu'un comme Rastier, je ne sais pas trop où il en est, hein, parce qu'il a commencé sur cette base, c'est clair. Sur la base, Chomsky et compagnie. Depuis longtemps, son grand ennemi, c'est le cognitivisme. Ouais, mais il y a un truc, par exemple, qui m'a fait... Bon, j'ai perdu beaucoup de temps à lire ces conneries-là. La sémantique structurale de Grémas et tout, je l'ai eu à noter, putain. Mais alors, ce qui est amusant, ce que j'ai découvert subitement il y a quelque temps, c'est que Grémas a aussi fait deux dictionnaires, un dictionnaire d'ancien français, un dictionnaire de moyen français. Un dictionnaire de moyen français, il est paru dans les années 90, et il y a une très longue introduction, que je vous recommande, dans laquelle il explique pourquoi il a perdu 20 ans de sa vie, et pourquoi toute cette sémantique structurale, c'était véritablement pire que tout, et qu'il n'aurait jamais dû le faire. Ça veut dire que, effectivement, alors je pense qu'il y en a un certain nombre comme ça qui avaient quand même un certain bon sens, qui étaient bon, et qui se sont bien aperçus qu'en définitive, tout ça, ça valait pas un clou. Mais il y en a beaucoup qui sont encore sur cette position. Mais enfin, bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Tant pis, j'ai plus l'âge de discuter avec ces gens-là. D'ailleurs, j'arriverai pas à les convaincre. Alors. Ils ne veulent pas entendre parler. Ils ont leur dogme. Ils répètent des éléments de dogme. C'est comme les économistes. Hein. Ils font des calculs sur des choses qui n'existent pas. Bon, mais ils ont quand même le prix Nobel, et alors ils s'imaginent être intelligents. Au risque de faire une boucle, cette grande période-là, elle a été en même temps extrêmement stimulante pour beaucoup de gens. Cette période a été en même temps structuraliste, a été extrêmement stimulante. C'est un autre aspect de l'âge d'or ou de la période de haut dynamisme intellectuel dont vous parliez. Tout à fait. Non mais je suis bien d'accord. Et j'ai vécu ça, effectivement. Et donc c'est vrai que j'ai quand même tiré beaucoup de choses de Lévi-Strauss, dont j'ai suivi les cours, avec qui il m'est arrivé de discuter, ce qui n'était pas commode. Parce que de toute façon, il estime avoir raison sur tout. On pouvait lui raconter n'importe quoi, on avait tort. Mais bon, c'était rigolo quand même. Et les cours, le séminaire de Lévi-Strauss, c'était un rituel. Un rituel inca, ou un rituel, je sais pas moi... Il y avait des très longs moments de silence. Tout le monde était là, on entendait voler les mouches, et on attendait que le maître parle. Et le maître avait une parole rare, il fallait attendre des fois 10 minutes. On en a un exposé, le type qui a fait l'exposé, il était crispé. Lévi-Strauss était là, il bougeait pas, donc tout le monde regardait, enfin, et personne n'avait le droit de dire quoi que ce soit. Et au bout de 10 minutes, une parole. 5 phrases. C'était fini. C'est assez drôle, je dois dire. C'est une expérience ethnologique. Bon, enfin. Ça valait toujours mieux que d'aller voir... Je crois que là, il faut que je conclue rapidement. Je crois qu'il faut que je conclue très rapidement. Donc, je crois que je vous ai plus ou moins laissé montrer qu'en fait, la sémantique historique a des racines fort anciennes du 18e. Est reparti je ne sais combien de fois et a toujours été en fait traité par des membres, par des gens qui n'étaient pas dans le courant dominant. C'est toujours des Außenseiter qui ont attaqué ce sujet. Ils ont fait beaucoup de choses, donc on a beaucoup de choses à lire, mais ça n'a jamais constitué un corps et c'est très souvent revenu à partir de quelque chose qu'on a fallu réinventer alors que ça existait déjà. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à nouveau dans un peu de cette situation. Parce qu'il y a quelques personnes qui connaissent Humboldt, mais qui ne connaissent pas Trier, ou qui n'ont jamais entendu parler de Worf et, Sapir, ou des gens qui connaissent Worf et Sapir, mais qui ne connaissent pas Humboldt. Enfin bon, il n'y a pas. Et c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. Y a-t-il un manuel ou un ouvrage qui présente comme ça, en 200 pages, l'histoire de la sémantique historique? Non. Mais là, bon, évidemment, ce que un certain nombre de gens intelligents m'ont dit, mais pourquoi tu ne l'écris pas? Oui, non, mais bon, j'ai beaucoup de choses à écrire. Si quelqu'un veut le faire, ça sera bien. Ça pourrait faire l'objet d'un projet de l'humanité numérique, avec la force du collectif. Je pense, puisque les humanités numériques, c'est aussi le collectif. C'est l'outillage numérique, c'est les valeurs, les diffusions des savoirs. Absolument. Alors, je suis absolument dans cette perspective. Après, il faut que... La science ne fonctionne pas sur la concurrence. La science fonctionne sur la coopération et sur l'échange et sur la discussion réglée depuis le XVIIe siècle. À partir du moment où on a introduit la concurrence, la science est morte. Voilà, bon, ça c'est un aparté. Oh, non, alors, je ne crois pas. Oui, bon, il y avait quelques petits problèmes annexes qui pouvaient donner lieu à, par exemple, tous ces phénomènes pratiques. Par exemple, le Moyen-Âge, les gens sont au moins bilingues. Au moins. C'est-à-dire, ils connaissent le latin, ils connaissent une langue vernaculaire. Et à partir de la fin du Moyen-Âge, ils en connaissent trois. Ils connaissent le latin, ils connaissent la koiné, Mittelhochdeutsch ou moyen français, et ils connaissent le dialecte de l'endroit dans lequel ils sont. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu à Bagdad. À Bagdad, en 76, il y avait trois langues en activité. L'anglais, le basic English, très bon pour moi, le basic English, ça est cool. Il y avait l'arabe littéral, ou un peu plus compliqué, mais bon, sérieux. Puis il y avait le bagdadi. Et donc les gens passaient de l'un à l'autre. Et alors, quand on, même à la radio, quand on écoutait la radio, moi je passais du temps à écouter la radio, on voyait bien, le journaliste, lui, il parlait l'arabe le littéral, c'est bien. Bon, il interrogeait. S'il avait affaire à quelqu'un de sérieux, d'intellectuel, etc., le type répondait dans cet arabe-là, qui est beaucoup plus compréhensible, enfin, qui est clair, qui est structuré, etc. Mais s'il avait affaire à un général du service de renseignement ou, enfin, un frappeur quelconque, enfin, le type, il commençait, il faisait deux phrases en arabe littéral, il commençait à y avoir des mots de bagdadi qui arrivent au milieu, et la fin de l'interview, c'est tout en bagdadi. C'est une expérience sociolinguistique, hein. Bon, et je pense que le latin de saint Thomas, c'est ça. D'ailleurs, Ornato, Ezio, me dit, mais, enfin, écoute, quand tu lis Thomas d'Aquin, t'as l'impression d'entendre parler un napolitain. C'est le débit napolitain actuel. Les belles périodes, les phrases, la musique, etc. C'est vrai. Moi, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai lu Thomas d'Aquin, mais... ça change, et c'est vrai que ça fonctionne, c'est vrai que c'est comme ça que ça marche. Donc il ne faut pas chercher trop la syntaxe, parce que faut être un peu approximative hein, chez Thomas d'Aquin, enfin, c'est pas la syntaxe de Cicéron. Et, mais c'est le mouvement, et puis on sent qu'il y a de la gestuelle derrière, enfin bon... D'ailleurs, il y a beaucoup de textes qu'on connaît que par les reportationes, c'est-à-dire les notes qui ont été prises, alors bon... Donc si vous voulez, pour un médiéviste comme moi, c'est un champ gigantesque. C'est un champ qui ouvre aujourd'hui des possibilités invraisemblables. Je pense que les fréquences, comme vous dites, il y a toute une série de procédures de formalisation, de mise en ordre, etc. Et à partir de là, on peut calculer des fréquences qui ne sont pas simplement combien il y a de mots, combien il y a de tel mot en tel moment. Non, non, non, ça, oh, on peut le faire. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais les co-fréquences, les co-occurrences, déjà... la distance qui existe entre les mots, les fréquences relatives, etc., ça permet, moyennant un peu d'expérience, moyennant des... L'analyse factorielle, vous pensez à l'analyse factorielle? On peut faire l'analyse factorielle, naturellement, j'en fais du... Alors, ça dépend. Dans certains cas, il n'y a que les composantes principales qui fonctionnent, parce qu'il faut quelque chose... Les distributions ne sont pas des distributions standards, donc il faut quelque chose qui résiste bien. Enfin, si vous voulez qu'on en discute, je suis volontaire. Hein. Faites-moi signe, je suis partant. Il y a d'un côté un blocage général. Les collègues ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre l'abstraction, ils ne veulent pas comprendre la sémantique historique, ils ne veulent pas comprendre la statistique, ils se foutent de l'informatique. Non, mais c'est ainsi. Et c'est ainsi en Allemagne, c'est ainsi en France, en Italie, bon. Alors, ça n'empêche, il ne faut pas se laisser démonter. Il faut quand même, parce qu'en réalité, on n'a pas besoin d'être reconnu, enfin moi personnellement, bien sûr, à l'âge que j'ai, c'est plus le problème d'être, de faire une carrière, mais malheureusement, elle est derrière moi. Bon, vous, vous êtes jeune, mais je pense malgré tout, si on fait de la recherche, c'est quand même parce qu'on cherche une certaine satisfaction intellectuelle, rationnelle, etc. Et je peux vous jurer que dans ce domaine, vous aurez d'énormes satisfactions. Vous allez faire des découvertes phénoménales. On est au moment où un continent s'ouvre. C'est comme à l'époque où la carte d'Afrique, il y avait juste les côtes, et qu'on se lançait à l'intérieur. Il suffisait d'y aller, on faisait des découvertes phénoménales. Donc, allez-y. Bon, il va y avoir des sauvages qui vont vous manger, mais pas gênant. En gros, ça marche. Et vous allez trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peux vous dire que les quelques collègues qui ont commencé là comme ça et qui font simplement, même devant des membres de l'Institut, qui leur fournissent des graphiques factoriels avec ci, avec ça, ils ont un certain succès. Parce que, en même temps, dans les problèmes que vous mentionnez, il y a des choses qui ne peuvent plus être invisibles dans nos sociétés. C'est la question du multilinguisme et du multiculturalisme, et c'est l'omniprésence des technologies informatiques, malgré tout. On peut renverser les deux aspects en disant qu'il y a une sorte de chance. Si ça va du côté d'un universalisme plat et des machines qui peuvent, on leur fournit n'importe quelle donnée, calculer simplement des fréquences, ça n'est pas très intéressant. Mmh. Mais en même temps, tout le monde est conscient que les traitements informatiques... Mmh. Non, tout le monde n'est pas conscient, loin de là. Je pense que beaucoup de gens le sont et qu'on sait qu'on ne peut pas y échapper complètement. De toute façon, ça entraîne forcément une réaction. Ça, c'est clair. Parce que même les collègues qui fonctionnent, et ça peut être très bien sur des modes archaïques, ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas passer à côté des mails, etc. Voilà. Mais ça peut aussi parfois entraîner une solution de repli identitaire, en particulier en période de baisse de crédit. Parce qu'on se dit, il faut se resserrer sur son petit truc et sur une position disciplinaire. Donc, ce qui entraîne aussi parfois l'effet inverse. Il y a aussi, j'ai l'impression, une fracture entre l'ampleur qu'on donne à l'utilisation de l'informatique. Il y a encore beaucoup de collègues qui s'intéressent à l'informatique pour, par exemple, faire de l'édition électronique, mettre en ligne des textes, ce genre de choses, et qui le récusent complètement du côté de l'analyse. On va éditer des textes numériquement, mais après on va les lire, et c'est tout ce qu'on va en faire. Voilà. On va pas... D'ailleurs, les éditeurs de textes numériques, moi je pense en particulier en diplomatique. Diplomatique, c'est en histoire médiévale une des zones dans lesquelles on a fait le plus de travail depuis 40 ans. Sauf que les types qui numérisent les textes sont aussi ceux qui disent que c'est dangereux de les analyser comme ça. Ouais. Ils le disent en toutes lettres dans les articles. Donc ils ont numérisé pour accélérer le processus ancien, mais surtout pas pour rechanger. Voilà, c'est ça. Très bien. En gros, c'est l'optique du moteur de recherche et de la page web, puis on s'arrête là. Mais par exemple, une chose dramatique, c'est la naissance de ce qu'ils appellent, les informaticiens, les ontologies. Ça n'a rien à voir avec une ontologie, bien sûr. Parce que, je veux dire, ils utilisent un terme qu'ils ne comprennent pas. Et ils s'imaginent, et donc c'est le WordNet. Ça, c'est une des pires aberrations que je connaisse. L'imagination, c'est du platonisme mou, revisité, comme ça, distribué. S'imaginer qu'il y a eu un corpus de notions universelles qui vont permettre de penser n'importe quoi. On va tout mettre dans le WordNet et ça va ressortir dans n'importe quelle langue, etc. Comment voulez-vous faire de la sémantique avec ça ? On peut dire que c'est un instrument d'analyse pour ceux qui le conçoivent et qu'il est utilisé principalement par des gens qui ne l'utilisent pas de manière critique. C'est-à-dire qu'il y a les deux aspects. Oui, mais enfin, ça veut dire qu'il y a des informaticiens qui sont cons comme des balais aussi. Ou alors peut-être que la terminologie ontologie n'est pas pertinente pour... Vocabulaire contrôlé, oui. C'est tout de suite moins appétissant. Voilà. Merci beaucoup pour cette séance qui pourrait être infinie. Non, c'est moi qui vous remercie de votre patience. Angélique. Merci de votre présence à tous. Nous allons éteindre l'enregistrement. J'espère que tous ceux qui l'écouteront nous demanderont ce que nous disons juste après, parce qu'il y avait des apartés qui ont été promis.